Il s'agit du flow de caste. Ouais, c'était la pleine lune hier, c'est pour ça qu'on a mal dormi. Ah ouais? Moi j'avoue, j'ai un sommeil agité de ouf. Ah, tu vois, aussi. Putain, donc je suis pas. J'ai très bien dormi pour ma part. Ouais. Bah, il y en a pour qui ça fait un sacré cet effet là. Donc ça croit aux lunes et aux marées ici? Il n'y a aucun moment dans ma question. Les marées, c'est vrai, Florent. Hein. Les c'est marées, vrai je truc. Sais pas. Non. Et la Terre, la Lune, et la Terre, la Terre ronde. J'ai téléchargé l'application Lune. Oh, ah ouais. Je te jure, putain, t'as vraiment changé hein, depuis l'année dernière. Ouais. Vraiment après, c'est nous les bobos. Ouais, quoi. C'est ça. L'os dira, vous êtes nos bobos préférés. Moi, j'ai jamais téléchargé l'application Lune. C'est vrai. Ouais. Bah, tu devrais. Ouais. Au lieu de faire le mec, ouais, j'adore les Simpsons. Tu devrais installer Yuka déjà, je pense, Florent. UK il va juste me dire allez arrête arrête, arrête tout arrête. Je pense que tu scannes tes trucs et elle se désinstalle la pièce. Florent Bernard, bravo. Adrien Méniel, bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de oui bonjour oui. Bonsoir, oh bienvenue dans ce nouvel épisode du Flocal. Il a honte Adrien, toujours de mes lancements. Ah mais tu l'es fait tout très vite maintenant les. Ah ouais, mais t'as un peu honte. Mais je perds plus le temps, je perds plus le temps. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment vas-tu? Je t'ai même pas demandé en vrai, parce que des fois je fais semblant de te demander comment vas-tu parce que je te demande avant l'émission. Et là je ne t'ai pas vraiment demandé. C'est vrai, bah ouais, on vient d'arriver. Ça va, mais effectivement on en parlait juste avant. J'ai très mal dormi cette nuit. J'ai fait une insomnie. Mais après j'avais fait des insomnies les nuits d'avant. Donc ouais, histoire moi de pleine aussi, lune, c'est de la connerie. Parce que ça. Attention. Bah oui. Attention. En fait, attention. Dès qu'il y a la lune dans le ciel, on dort mal, c'est ça quoi. Non, mais tu sais, en fait, il y a des, ça se joue à vraiment, bon, d'ici des millimètres, mais en vrai, tu peux aller vraiment. Ça a l'air précis quoi. Mais parce que j'arrivais pas. Elisabeth Tessier. Parce que je voulais comprendre pourquoi il y a des nuits, bah ça. Ça, je dormais pas. Ouais, t'as raison. Vous êtes sensible. Et en Algérie, tu dormais bien parce que maintenant que t'es dans l'espace Schengen, comment ça se passe? T'as l'air plus rassuré, non? Je dors mieux. Ouais. J'ai un sommeil plus, marrant, plus serein. Oui, ouais, mais il y a beaucoup de lunes en Algérie, c'est pour ça aussi. Il y a beaucoup de lunes. Il y a beaucoup de croissants. Des croissants, pardon. Notre première invitée est comédienne. Vous l'avez peut-être vue dans des films comme Papicha, Sirène ou prochainement Deux Anges, dont on aura l'occasion de vous reparler, je pense, dans les prochains mois. En série, on l'a vu dans Pamela Rose, Lupin et Miskina, dont la saison 2 sort cette semaine. On est très heureuse de l'accueillir parmi nous dans la grande famille des youtubeurs qu'on finit par faire des films. C'est Chérine Boutella. Ouais. Comment merci. Ça va Chérine? Eh ben ça va très bien. Bah merci beaucoup merci. D'être venue, ça fait trop plaisir. Ouais carrément. Tu n'es pas venue seule car notre seconde invitée est invitée, est actrice, autrice, humoriste et harceleuse officielle d'Alison Wheeler. Avec sa série Miskina, elle a créé l'enfant de Bridget Jones et Rami Youssef, saupoudré de tous les personnages de Bridesmaids. On ne lui fera pas l'affront de lui poser la question que aucun journaliste n'a dû lui poser, à savoir mais c'est quoi en fait une Miskina? C'est sa deuxième fois dans l'émission, on arrive de la recevoir, c'est Melha Bedia. Ah, elle est bien ta présentation. Ouais, non, mais il bosse. On essaye. Comment ça va? En tout cas, je trouve. Ouais, c'est vrai, qui me connaissent, c'est pas grave. Je passe cette petite. Ça commence mal. Moi, j'ai pas entendu. Pourquoi à chaque fois que je fais un podcast, je fais des histoires? Ouais, c'est pose-toi des questions, Melha. C'est la pleine lune, je pense. C'est dans un état Mars rétrograde. Pas encore, mais oui. J'aime bien comme elle corrige quand même. Genre, ça me fait rire, mais attention, je te corrige. Faut être attention quand même. Donc oui, Chérine, tu connais pas l'émission, mais en gros, on va faire un jeu. Donc je te pose des questions sur l'actualité et tu peux évidemment demander plein d'indices. On pose des questions pour essayer de. Mais tu vas voir vite. Le mieux. Il y a aucun piège. Aux USA, par exemple, un homme divorcé a mis en place tout un stratagème pour ne pas payer de pension alimentaire. À votre avis, qu'a-t-il mis en place pour ne pas payer cette Est-ce pension? Est-ce qu'il a simulé sa mort? Alors oui, c'est très rapide. Attends, t'es un malade mental, malheureusement. Bah non, bravo mais... Adrien. Il aurait fait la même quelque chose. Ouais, quelque chose. Bah il a effectivement. Tu sais qu'il a déjà répondu à la question, ça y est. Ah c'est vraiment ça? Bah apparemment ouais. Oui c'est ça. Et ça me dit quelque chose, j'ai lu la brève quelque part. Oui. Non alors il a simulé ça à ton avis? Parce que c'est, ça, du, ça va plus loin. Il a élaboré, il y a du. Ouais il y a du taf. À ton avis jusqu'où il est Est-ce allé? Est-ce qu'il a simulé son meurtre? Genre il a mis en scène un meurtre tout ça? Alors non il a pas simulé un meurtre. Un accident? Non. Pas un accident. Est-ce qu'il a dans la façon change. En fait c'est que vous deux qui jouez dans le. Non. Très bien. Moi je lance le truc après. Il met à l'aise. Auto-enterré? Non. Je sais pas. Il a dit je suis mort entre couvrant terre, en fait, ça ne marche pas du tout. Attends. Non, en gros, il a. Est-ce que c'est un truc avec la crémation, genre il a pris des cendres de quelqu'un d'autre? Oh l'enfer. Non. Il a plutôt fait un truc de comment dirais-je, de hacker. Toi, je te sais fou de tête. Ok. Vous connaissez pas un bon hacker? T'as envie d'aller voir un hacker? Ouais, non, c'est vraiment. Ouais. C'est qui? Tu vas aller. Non, comme ça, je me demandais, c'est cool d'avoir un plombier à la maison, c'est mais cool ça, d'avoir un bricolo et un hacker. Moi, je suis d'accord. Sur l'appli, là, Yuzu, tu peux choper un petit hacker. J'ai appelé Yuzu récemment. Je sais pas si vous connaissez. C'est Yuzu que ça s'appelle. C'est pas un fromage. Yuzu Ndour, le chanteur. Ouais, Yuzu. Je l'avais, il a réparé mes chiottes. C'est incroyable. En chantant. Non, en chantant. Non, mais ça, c'est une appli pour choper des gens qui te font des. Oui, c'est des... comme l'ancien. Comme Lulu dans ma rue et. Oui. Et, Lulu dans ma rue, c'est un gros. Marabiste truc. Taskrabbit et tout. Enfin, il y en a un. Oui, voilà, un c'est ça, c'est ces trucs-là. Et c'est des trucs pour contourner ce qu'on appelle le code du travail. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai fait ça. Moi, j'adore. Et je l'ai. Et le mec a essayé de réparer mes chiottes et a aggravé la situation. Top. Donc oui, c'était ça. Top, j'ai adoré. Il a vraiment une fuite d'eau, j'ai fait bah qu'est-ce qui se passe. Tu l'as dénoncé. Un professionnel. Bah c'est ce que j'ai dit. Voilà, ça m'a appris. Ouais. Quoi. Ça m'a appris. Et tu l'as payé en plus. Et je l'ai payé bah, une heure de plus parce qu'il m'a envoyé un texte en disant bah du coup ça a duré plus longtemps. Ah, et comme une énorme victime, j'ai fait. Ouais, ouais, bien sûr, c'est vrai, c'est juste. C'est tout à fait vrai. Vous avez percé un trou à la perceuse dans le réservoir d'eau, mais bon. Je peux rien dire. Donc oui, l'Américain de 39 ans. Alors, est-ce qu'il a changé son nom avec celui de quelqu'un de décédé? Oh. Alors ça aurait été stylé. Non, ah, elle a failli s'applaudir. Elle était si fière d'elle. Ouais. Oh. Non, non, mais. Elle a failli faire une coupole. Non, l'Américain de 39 ans a voulu, s'est fait passer pour mort. Genre il a hacké son état civil, quoi. En fait, il a hacké l'ordi d'un médecin. Ah. Oh. C'est-à-dire que c'est encore autre chose. C'est regardé. Jesse Klimf de Somerset au Kentucky. Excuse-moi de te couper, mais c'était vraiment savoureux. Tu peux redire son nom de famille? Bien sûr. Jesse Klimf de Somerset au Kentucky. Jimmy Klimf, par contre, c'est ouais, encore un chanteur. Avec Clap Jean, putain. C'est Yuzu Ndour, ils font un duo. Non. Avait accédé au début des 23 au système d'enregistrement des décès d'Hawaï avec les coordonnées d'un médecin qu'il a usurpé pour se créer un dossier sur son propre décès. Oh, grâce à la signature numérique du médecin vivant dans un autre état. C'était officiel, du coup. Ouais, l'accusé est apparu comme étant décédé dans les bases de données gouvernementales. Il a intentionnellement accédé à un ordinateur sans autorisation et obtenu des informations d'un ordinateur protégé pour son propre gain et dans le cadre d'une usurpation d'identité. Donc ça rentre quand même dans l'usurpation d'identité. Mais c'est hyper chelou parce que du coup son permis n'est plus valable. Ah bah là je pense qu'il n'y a plus rien qui marche. Oui, mais ça dépend peut-être en fonction des états. S'il est dans le Kentucky, mais s'il va dans le Massachusetts, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il est à Hawaï apparemment, le mec. Il a hacké le. C'est ça qu'il disait, non? Visiblement, c'est ça. Il a hacké le truc d'un médecin à un autre état. C'est un génie pour moi. C'est génial. Mais pour combien? Mais tout ça pour une pension alimentaire. Mais pour combien? Si tu fais des gosses, nourris-les un peu. Oui, oui, non, mais attends, on sait pas s'il a des gosses. Il a des gosses. Féministe, ou les fémènes, vive les fémènes. La préjudice causée au système informatique du gouvernement et des entreprises ainsi que des pensions alimentaires impayées s'élève à près de 200 000 $. Attends, de quoi Eh ben, il va devoir payer 200 000 $ le pauvre. Ah, d'amende. Bah oui, oui, bien sûr. En plus de prison, 81 mois de prison. Plus de 100 000 c'est mieux, il prend son gosse, il l'élève. Ouais. Je pense que ça coûte moins rush. Emmène-le au McDo et tout, c'est bon. Oui, il n'y a pas besoin de faire grand-chose en plus. Oui, c'est vrai. Fallait penser. Est-ce que tu dois payer des pensions alimentaires quand t'es en prison? Ou est-ce que t'es pas exempt de. Alors moi, parce que ça se trouve, il a trouvé le truc. Ah, du coup. Il est en prison. Tu vas loin fait, quand même dans tes. Dans, bah, je sais pas. Ah, j'ai fait très peu de zonzes. Je te dis. Moi, j'ai fait très peu de droits, donc l'un dans l'autre. Mais je propose qu'on donne quand même notre avis, on sait jamais. Ça peut... Est-ce qu'on n'appellerait pas un expert? Attends, j'ai un avocat. Est-ce que vous pourriez vous foutre dans la merde pour éviter de faire un truc que vous n'avez pas envie de faire? Bah, tout simplement rit dans le micro. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Mais pas. Moi, je veux payer quand même si je dois de l'argent. Oui. Mais parce que t'as de l'argent aussi. Non, même sans ça, j'aime pas devoir. Je suis algérienne. Ouais. Je sais pas si tu connais ce concept. J'en ai croisé dans ma vie. Ah, ça va. J'ai vu les drapeaux. Ah, pas, désolé. Ça va. Mais... Non, mais genre mensonge? Tu peux avoir facilement. Toujours ouf. Quoi? Il y a eu un de ouf du côté de Chien. À chaque fois que ça allait l'avoir, il y a un menti dès le réveil, genre. T'as dit, son premier mot était un mensonge. Oui, c'est ça. Toi, tu mens moins, toi. Moi, je mens pas. Non, non. Tu mens zéro. Les gens qui disent qu'ils mentent pas. Bah, écoute. Tu mens zéro? Oh, j'arrive pas à mentir. Non, non mais des petits mensonges de convenance. Mais non, mais j'arrive. Non. Genre, des mensonges de coupable, je suis à Châtelet. En fait, t'es à. Non, même ça. Je suis désolée, je suis à la bourre. Voilà. Ah ouais, ah ouais. Donc, vraiment. Genre, j'ai trop peur du karma, moi. J'ai peur que ça me. Mais le karma, je crois que c'est sur des vrais dos. Quand la lune n'est pas pleine, tu peux mentir. Non, je pense que ça dépend. Je me sens tellement coupable que je suis sûre que je vais attirer des trucs pour m'auto-punir, tu vois. D'accord, tu connais d'accord. pas trop ce concept, mais. Le karma? Ouais. Bah, moi, je suis musulmane, je suis sûr. Ouais. Donc, vos histoires. Il y a un livre saint, on le suit, c'est le code de la route des juifs. Chacun fait ce qu'il a à faire. Vos pierres précieuses, là. Moi, le karma, je peux y croire. En revanche, je mens. Oui. Mais par contre, le karma, problème. C'est pas du tout normalement. Enfin, je me permets, hein, mais c'est vraiment dans une vie suivante que t'es puni. C'est pas dans la vie actuelle. Ah ouais? Donc, si je peux me permettre, justement, le karma, c'est pas immédiat, c'est pour ça que c'est un peu un truc religieux. Parce que sinon, c'est trop égoïste. Tu t'agis bien non, pour ta gueule. C'est alors trop là, simple. C'est-à-dire, si t'es un bon gars le lundi, mardi, il va t'arriver un bon truc. Et si t'es un mauvais gars le mardi, le mercredi, c'est. Non. Enfin, voilà. Ça existe en islam. Après, on peut appeler un imam. Je t'en supplie. On devrait faire cette séquence. Adrien, tu t'es déjà foutu dans la merde. Peut-être plus jeune aussi. Je reviens sur Shaheen. Est-ce que tu es comme ça parce que plus jeune, tu t'es foutu dans la merde sur des trucs comme ça, ou est-ce que depuis tout petit, c'est quelque t'as une espèce de... N'oublie pas que tu dois pas mentir. Hein. Oui. Non, j'essaie de m'en rappeler, mais je pense pas. Non, t'as toujours été pas, un peu comme ça. Ouais, je crois. Genre boring. Non, je rigole. Ouais, boring. Non, mais genre... ça c'est comme le truc de la clope pour l'alcool. Ouais. Non, non, ouais. C'est ce que tu viens de faire. T'as pas honte? Ah, ah oui, non, de dire pardon, t'es quelqu'un de bien, du coup t'es ennuyeux. Pardonne-moi, pardonne-moi. Eh oui, bien joué. Je te demande pardon. Tu t'es corrigé, parce que pardonne-moi, c'est un ordre, c'est pas correct. Ah oui. Tu t'es corrigé, donc. Ah oui, Adrien, il fait ça. Adrien, la dernière fois, enfin, mais du coup, je le fais depuis, donc il est très fort quand même. Je lui disais, excuse-moi. Et il disait, on dit pas excuse-moi, on présente ses excuses. Alors, parce que c'est à l'autre de je te prie. Oui, oui, bien sûr. Je te prie de bien vouloir m'excuser. Et voilà, là, on est bien. Là, le karma, je vais y réfléchir. Et donc toi Adrien, tu t'es déjà foutu dans la merde pour éviter de faire des trucs. Toi t'assumes un peu en vrai. Oui mais je mens aussi beaucoup quand bien même sûr, bien bah, sûr. Je veux dire quand t'es invité à un truc et t'as pas envie d'y aller. Des fois tu dis ouais je suis malade ou un truc comme ça quoi. Ouais, ça va, peut ça. Arriver bon. Chérie, ah, chérie, voilà c'est ce bon, que je voulais dire. Ça peut arriver. Je vois deux petits verres qui dépassaient de ce nez. Il y a deux petits verres qui dépassaient de ce nez. On les a tirés, ça me fait plaisir. J'avoue que parfois j'utilise mon travail pour quand j'ai pas envie de faire un truc. Je dis ah mais je suis désolée voilà. J'ai un tournage, j'ai une interview. C'est Emmanuel ou c'est Chérie. Voilà, bien joué, t'as changé la personne. Mais le mieux. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? J'ai dit bah enfin, ce serait Emmanuel ou Chérine. Mais le mieux c'est quand c'est vrai et que t'as pas à mentir. C'est, on t'invite à un bien truc sûr. Où t'as pas envie d'aller et t'es en tournage bien et tu fais. Ah, merde, j'aurais adoré. Je tourne. Oui, pas du tout. D'ailleurs, tu me le dis souvent ça. Marius, j'aurais adoré, mais tu me le dis très ouais. souvent. Je ah bah mais ça veut dire que c'est faux. Après, voilà, je sais pas si c'est vrai. Après, c'est mais... quand tu veux m'emmener dans des trucs loin de Bobo là. C'est faux. Elle veut m'envoyer dans des festivals. C'est faux. À Lollapalooza ? Non, non, même pas cela. Ah ouais, c'est vrai. Des trucs de fant. C'est quoi là les trucs là où il y a de l'électro ? Non, ça je t'emmènerai pas. Jamais le lendemain ou Neverland. Neverland ? Neverland ! C'est quoi ? Neverland, c'est le parc d'attraction de Michael Jackson. Ah ouais, alors ça je te l'aurais pas proposé. Non, mais aller boire des matchas dans Paris, tu vois. Ça me ferait plaisir. Vous l'avez pas vu. Des matchas chez toi, moi je peux ramener le club pour faire des matchas chez toi. Moi j'adore quand les gens viennent. En fait, je ne sors pas. C'est quoi team. Règlement de compte. Il y a une semaine, je lui ai écrit en mode est-ce que t'es dispo demain, j'aimerais bien venir te voir. Elle me dit pas de problème quand tu veux, mais j'ai deux rendez-vous dans la journée. En fait, je dis ok, mais je les note pas moi les rendez-vous. C'est ça, ouais. Mais du coup, je dis mais alors à quelle heure? Comme ça, je m'organise en fonction. Et elle n'a jamais mais répondu pourquoi à cette question. Viens, sonne, viens, parce on se fait kiffer. J'aime bien moi cette vie. Mais tu viens après, tu fais un Doctolib après. Voilà, mais j'ai pas. Oui, c'est pas grave, j'ai pas envie de déranger. Si t'es pas seul, je sais pas avec qui tu peux être. Si je suis pas seul, on peut être plusieurs pas seul. T'as mis le doigt sur quelque chose. Si tu taffes et que moi j'arrive et qu'en fait je rentre. On est vraiment en train de régler nos comptes devant moi. Non, mais non, mais j'ai un goût d'amnesse. Non, mais il a goût d'amnesse. J'ai l'impression d'être texte, vous êtes des amours. Ça me fait plaisir. Tu vas me donner un carton, tu veux lui taper sur la tête. Mais c'est vous qui avez lancé le sujet des mensonges là pour. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes déjà menti récemment? Bien sûr. Sans doute, oui. Oui, oui. Quand tu m'as dit, ouais, je fais le virement lundi. Ah non, alors, c'est pas un mensonge. Non, en l'occurrence, c'est pas un mensonge, mais j'ai oublié. Oui, ouais, j'ai juste oublié. C'était un mensonge, mais. Oui, non, mais je savais pas que j'allais mentir. Sur le moment, j'avais pas envie de mentir. Voilà, mais j'ai complètement zappé. Ouais, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Depuis quelques semaines, une marque s'arrache de partout, poussant même certains commerçants à quadrupler son prix. Pâte à tartiner algérienne. Pâte à tartiner algérienne. Ouais, bien joué. J'ai failli le dire tout à l'heure quand t'as parlé de l'Algérie, j'ai dit, oh, papa, il risque d'en parler. El Morgen. Alors. J'en ai mangé ce matin et je peux vous dire que. C'est lourd, c'est lourd. C'est vraiment bien. Mais du coup, t'en as trouvé? Parce que je crois mais les que gars, ça a un... le goût de la crème. Évidemment, à l'intérieur j'en ai du Kinder Bueno. Oui, c'est ce que ça j'ai lu. C'est délicieux. Fou. C'est ce bah, vous n'êtes pas prêt. Ah, attends, il y a du lait dedans. Ah, je pense pas que ça soit vegan. Frère, j'ai pas lu ouais, derrière. Pas que quand ouais. t'as envie de te foutre en l'air par le sucre, tu lis pas. Et souvent, ce n'est pas vegan. Souvent, c'est. Je pense que c'est la même chose que le Nutella, les gars. Ouais, je pense que c'est ça. Certains professionnels ont par ailleurs profité de la forte demande pour faire grimper les prix. Initialement vendu 3,50€ pour un pot de 200 grammes et 8,50€ le pot de 700. Cette pâte à tartiner crème de noisette grillée a vu son prix augmenter à Marseille par exemple, on peut le trouver à 12,99€ ou encore à Lille, ça monte à 15 balles. Alors écoutez, moi j'ai un plan si vous voulez, c'est à Agnières et à Gennevilliers et c'est je sais pas 5-6€. Bah souvent tu les trouvais en épicerie, c'est ça. Et là il y a eu un engouement sur TikTok apparemment, c'est incroyable, c'est ça après et c'est la fierté des Algériens quoi. Il y a Zidane et la pâte à tartiner noisette. C'est trop bien. Oui mais alors attention. Parce que tu dis que t'en as de ton côté. Attention, l'engouement pour ce produit pourrait être bientôt terminé. Puisque d'après certains médias algériens, la pâte à tartiner pourrait être interdite en Europe et donc en France. Puisque le produit ne respecte pas... J'aime bien en entendre. On sent que j'ai lancé une info terrible. Parce que c'est fou, parce que être raciste avec les gens, on avait l'habitude, mais être raciste avec la pâte à tartiner, les gars. Franchement. En tout cas, elle est blanche. Elle est blanche. Elle est blanche comme ils aiment. Elle est blanche comme Jordan. Ils ont voulu en grand remplacer le Nutella. Donc voilà, il y a des règles qui arrivent. Le produit ne respecterait pas la législation européenne et plus particulièrement. Certains pays dans la GIE ne peuvent pas exporter des produits contenant du lait sur le territoire de l'Union européenne. Bah après, tu vois, il faudrait rebondir, il faudrait adapter la recette et boum. Mais il n'y a pas d'adapter la recette. Il y a plus qui cherche la voilà. Mais là, si on te la réinterdit. Ouais, mais là, ça parle même de lobby. Apparemment, ça veut protéger le Nutella. Non, mais attention. Ah, mais ça, c'est possible. Ah, faire un shit, crois, ils ont de l'oseille. Bah oui. Je crois, ils sont puissants de ouf dans la noisette. Je crois. Bah, c'est un des. C'est, non, mais c'est vrai. C'est la, ouais, ils ont la noisette. Et on le dit pas assez. Je suis content qu'on le dise dans cette émission. Ouais, il y avait les Illuminati. Top 3 chacun de vos sucreries saloperies à manger que vous aimez bien. Chérine. Oh, wow. Attends, moi en dernier, s'il te plaît. Okay, okay. Laisse-moi me laisser le temps. Ok, très bien. Et pas des bêtes goji, s'il te plaît. Hein, bah, tu viens de nous ramener. Il nous a ramené un saucisson sec de noix. Non, ça, de noix de cajou, là, on lâche, c'est quoi. Non, c'est du riz soufflé avec du beurre de cacahuète, c'est délicieux. Oui, parce que toi, t'as dû te réadapter. J'imaginais que t'avais des petites saloperies. Je peux dire les trucs même avant. Bien sûr. Tu vois, genre Kinder Country, moi, c'était. Ah ouais. Ah ouais. Délicieux. Incroyable. Je comprends. Ouais, c'est un régal. Et t'as dû faire une croix dessus. Et t'as pas trouvé d'alternative? Non. Non, ça a jamais réussi à être remplacé dans ton cœur. Non, peut-être. Non, mais même non. Bah, on en vient en ce moment pas. Il y a pas, on n'a pas trouvé la bonne alternative. Genre, Nocella, c'est super bon, mais c'est pas le Nutella, les gars. Non. Ouais. Nocellata. Nocellata. Ouais. Non, Mamie Bio. La pâte à tartiner. Mamie Bio, genre. Mamie Nova? Ouais, oui, je me suis trompé de mot. Non, Mamie Bio, je te dis. Il déteste. Non, il y a deux sujets où il n'a pas été pris. Non, excuse-moi, mon frère. Non, mais t'as mis le doigt sur un sujet. Tu me traites de bobo, j'y vais à fond. C'est okay. Mamie Bio, elle est bio, ok. Ah, pardon. Si, elle est très bonne. Nocciolata, je suis d'accord, c'est pas ouf. Non, c'est pas ça, c'est qu'une fois que t'as goûté le Nutella, c'est comme une fois que t'as mis un jogging, c'est éclaté de mettre un jean. Enfin, tu fais ça, alors là, tu vois comment on se retrouve là. Franchement, c'est moi je trouve que c'est d'autres goûts. Est-ce que t'as essayé juste la purée de noisettes? Allez, je vais me la purée de noisettes. Moi, j'ai compris, mais. Non, vraiment, juste la purée de noisettes au chocolat. Ouais, mais oh, bah, en vrai, c'est hyper bon. Chirine. Ah ouais. C'est Chirine. Pas le même goût que le Nutella du tout, mais c'est très bon. Non, mais c'est marrant. Chirine. Ouais, vas-y. Non, pardon. Non, mais vous arrêtez ce débat. C'est mieux ce qui est dégueulasse. On le sait, la clope, c'est génial. Le Nutella à l'huile de palme, ça tue, mais c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Elle a pris l'ascenseur pour monter 3 étages. Voilà, la rupture des ligaments croisés. Mais bon, comme ça fait de peine à personne. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est la vie. Pro au foot et tu bien t'es sûr. Fait croiser. À Sedan, je suis arrêté, j'ai arrêté à Sedan. Mais tu sais que même pour cicatriser et récupérer, hier il me disait ça, le chirurgien encore, il me disait la clope, évitez la clope. Il a dit. Ah pas bon comme ça, il l'a dit, mais il m'a dit évitez. Et il l'a dit, c'est un blédard en il fait. Oui. Évitez la cigarette. Et elle a demandé pourquoi, elle lui a répondu t'inquiète. Ne t'inquiète. Non, mais parce que là où je trouve que les marques véganes ont très bien réussi à remplacer la viande, le truc comme ça, c'est vrai que sur les sucreries, je suis d'accord. On y est parce pas. Que le jambon végétal, le lait, j'ai goûté, c'est exceptionnel. Incroyable. Ouais, la vie. Oui. Incroyable. On a le droit de dire toutes les marques. Hein. Ah oui, on s'en bat les couilles. Ouais, on est plus là. Hein. Non, il me follow en plus sur Insta, donc je l'en. Putain, oui. Tu te fais follow par la vie. Ouais. Il a pas toujours follow la vie, mais la vie le follow. Mella, oui. Des gourmandises saloperies que tu apprécies? Bah, ça fait tout. Non, mais dans un espèce de toi. Je vais pas te choquer. Genre, là, c'est un goûter, j'ai envie de Nutella, te faire plaisir. Malteser, j'adore les bouchées au lait. Côte d'Or. Ah, mais tu vois, là d'un coup, on est dans quelque chose de très précis. C'est pointu et je vous invite à le. Ouais. Et tu mets ça dans un yaourt grec ou un skyr. Ah oui, carrément. Moi, j'ai écrit le yaourt Nutella il y a très longtemps, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je prenais fromage blanc, 0%. Waouh. Cuillère de Nutella dedans, tu touilles. Ah ouais. Peut-être tu le dis mieux que ce que je viens de dire. Non, c'était bien, franchement. Et tu manges. Et ça, je comprends pas qu'ils y aient pas pensé. C'est fou. Ouais. Parce que c'est très facile à faire, du coup. Wow. Oh, mais oui, mais attention, parce que Kinder, attention, ils te font tout Kinder dans toutes les formes qui existent. Kinder délice. Mais c'est lequel? C'est le petit moelleux. Kinder Delice, ouais, c'est celui avec le petit biscuit. Ah, le moelleux, ça là. Ah, c'est marrant, moi, c'est pas mon préféré. Ouais, vraiment, d'accord, ok. Et Chocobon. Et Chocobon, c'est l'enfer, c'est évidemment une catastrophe. Et Balisto, non? Ah, ben pas des masses, moi. Pas celui aux fruits secs. Les jaunes. Le violet, c'est. Et ben même le violet, il est. Il y a un truc, il te surprend. Ah ouais? Il colle aux dents. Il y a du raisin, le violet, non? Ouais, non, raisin sec. T'as pas bonne conscience? Ok. Mais le jaune, le jaune, ça passe bien. Moi, c'était le jaune, mon préf, j'avoue. Moi, je crois que j'en ai jamais mangé. Ou alors, vraiment, quand j'étais petit et que je me suis planté. Trop de goût naturel pour toi, je pense. Est-ce que tu veux goûter maintenant? J'ai entendu du miel, Florent. Non, moi, mais tu dis ça, mais moi, par exemple, je suis pas du tout team bonbon. Écoute, tu sais quoi, tape là, je déteste les bonbons. La team Crouton, en revanche, j'espère. Je suis la team Crouton, je soutiens Inox qui est mon Télébrest là. Du coup, j'ai éteint mon téléphone. Archibo aussi, j'y pense, qui est hyper industriel, vous savez, c'est les tiramisu. genre de chez Lidl et tout. Oh là là. Ouais. Mais c'est, en fait, plus tu achètes des trucs pour les pauvres, plus il y a du beurre. Par exemple, les marbrés à l'époque de chez Dia. Je sais pas si vous vous rappelez de Dia. Bien sûr, bien sûr, ouais, évidemment. C'est l'équivalent de Lidl, je sais pas. Ouais, ouais. C'est chimique, tu sens. C'est que des jeux de mots avec des noms de gens à part aujourd'hui. Il a dit, j'ai dit Dia ou Alidia. Ouais. Wow, ça mérite une petite trentaine de secondes. D'humiliation. Un petit flottement, tu vois. Ouais, ouais, non, je comprends. Moi, non, j'aime, moi j'aime, moi j'aime. Ouais. Les banoffee aussi de Gu, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Banoffee. Ah, j'ai pas goûté ça. C'est quoi ça, des banoffee? Mais la marque Gu, ah, ils sont chauds. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est ça, avec de la banane. La... Attends, chocolat. C'est quoi des banoffee? Banoffee, c'est banane, tu sais, caramel, c'est quand... chocolat. C'est un laboratoire pharmaceutique aussi, banoffee à Ventis, tu vois. J'ai mis Google Images, je vois l'image et je ne sais pas ce que c'est. Laurent Banoffee, bien sûr, le sniper. Le pranker maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des pranks. Je n'ai jamais bouffé ça. En double cam. J'ai jamais bouffé ça, moi. J'ai jamais goûté. C'est délicieux et il y a un restaurant vegan à Paris qui s'appelle Aujourd'hui Demain, qui ils font une banoffee pie. On dirait une série. Mais une série pas. Ouais. Aujourd'hui Demain nous appartient. Ouais. Adrien, je peux être vulgaire 2 minutes. Oh, tu peux me redire le nom? Aujourd'hui Demain. Voilà, qu'ils aillent se faire foutre. Aujourd'hui Demain. Mais on oublie hier. J'ai envie d'ouvrir une boutique en face. Hier et avant-hier, avec des watts. Et c'est hier et que de la viande rouge. Et que de la viande cuite comme ça, maturée. Moi je les adore, hein. je vous adore. Non, je rigole, je les adore, on viendra vous voir. C'est où? C'est eux qu'on fait la bouffe vegan dans la vidéo de McFly et Carlito. D'accord, notamment. Ah, okay. Génial, notamment. Bah, il place ses potes. Mais non, mais quoi? Une question très le juste prix pour vous. Selon 754 euros. T'es pas si loin. Selon une diète américaine, il y a un âge où physiquement on se prend un sacré coup de pelle. Donc je pense, je demande un âge précis. Donc ce serait un peu facile que tout le monde participe. Je vais demander chacun une idée d'âge et le plus près aura gagné. Je vous rappelle qu'il n'y a rien à gagner de toute façon. On peut se baser sur notre expérience personnelle, mais ça se trouve, il y a un énorme coup de pelle qui nous attend plus tard, quoi. Exactement. Et puis là, en plus, évidemment, c'est une étude. Tu regardes les réponses, Je dirais 114 ans, je dirais. C'est vraiment le pire. Là, c'est génial, 114 ans. Non, mais en gros, c'est ils prennent en compte la santé, le physique, les rides, tout ça. Oui. Qui ça 46. 46 au niveau de Shirin. Melha. Moi je dirais aux alentours de 43. Ah, t'as fait ce truc de prendre en dessous, ouais. Et c'est terrible. Moi j'aurais peut-être dit un truc comme ça, mais. Ouais, j'allais dire à peu près ça, quoi. Ouais, je vais dire 44. Ouais. Bah, comme ça on fait tout. Attention. 56. Il y a la réponse pile. Pas mal. Ah, dans les trois, il y a la réponse. Adrien Méniel. Regardez, regardez-le. Après. Ah, elle m'avait soufflé 44. C'est littéralement mon âge, donc je suis ravi de cette réponse. T'as 44 ans. Ouais. Tu les fais pas. Bah merci. Ouais, le coup de pelle, il est pas présent. On attend toujours le coup de pelle. Un petit coup de truelle, il arrive, grand max. Il grand max. En même temps, il est vegan, donc bon. Bah évidemment, il fait. Ouais, comme quoi, ça marche. Hein. Ouais. Aujourd'hui, demain, après-demain. Le jour d'après. Tous les jours de la semaine. Il s'agit du bilan émis par des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis. En collaboration avec l'université technologique de Nyan Rhin à Singapour. Bien sûr. Wow, ouais. La connexion doit être folle. Oh, tu sais les zooms des deux. Quand tu fais les zooms des chercheurs de Singapour avec les chercheurs de Stanford, j'ai envie d'être là. Alors après, ils ont étudié que 108 personnes entre 25 et 75 ans. Terminé. Ah, mais voilà, évidemment. Mais moi, je vous dis des articles et comme ça. Ils leur disaient ça va. Je dis, bon, petite mine. Bon, vous avez quel âge? 44. Okay. Et vous, ça voilà, va allez. 38, non. Et là, il lui a redit, t'inquiète. L'âge chronologique correspond au jour de naissance que l'on fête chaque année. Ça, c'est l'âge chronologique. Et il y a ensuite l'âge biologique. Et oui, ouais. Qui fait référence aux changements dans le corps au cours de la vie, affectant ainsi les protéines, les métabolites et l'activité des gènes. Et oui, Adrien, tu m'as regardé avec des yeux ronds, là, comme ça. Ouais, je suis captivé. Et donc, du coup... 44 ans, effectivement, c'est là où il y a les principaux risques concernant la santé cardiaque. Yes. À ces âges-là, la protéine dit. C'est vrai, ça va bien, t'as vu, Mathieu? Oui. Il y a l'accumulation de plaques dans les artères, par exemple, qui se développerait majoritairement. Trop bien, ça. Une diminution de la capacité. Fais des tests toutes les 3 mois. Attends, diminution de la capacité. Pardon, de quoi? Diminution de la capacité à métaboliser la caféine a également été démontrée. Ça augmenterait temporairement la tension artérielle. L'alcool diminuerait la tension artérielle pour l'augmenter ensuite. Enfin, voilà, ça. Pour ensuite, il y a du diabète qui arrive également. La glycémie atteignant un pic chez les personnes d'une quarantaine et d'une soixantaine d'années. Aïe. Voilà. Après, voilà, c'est une étude faite sur. 108 personnes sur Zoom, comme t'as dit. Donc, c'est ça. Et ça concerne des Américains. Et il y a justement des gens contre l'étude qui disent oui, enfin, c'est quand même très auto-centré, puisque c'est évidemment pas la même chose dans tous les pays du monde. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, évidemment, c'est de la grosse merde. C'est de la merde. D'accord. Effectivement. Bon. Ouais. C'est qu'un chiffre, hein, l'âge. Hein. De toute façon, c'est un état. C'est l'âge que t'as dans ta tête. Ouais, c'est vrai. Évidemment, évidemment. Est-ce que vous avez vécu une petite. Vous savez, il y a les crises de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine. Et le Covid aussi. La crise de l'année du Covid pour moi. C'est... Mais est-ce que vous avez vécu des changements comme moi, ça? Moi, j'ai vécu la crise financière. Ah oui, bah ça, bien sûr. Bien sûr. J'étais à Wall Street et. et t'as vu les deux tons s'effondrer? Le jeudi noir, le jeudi noir. C'est exactement ça. J'ai été au Panama Café après. La seconde d'après. Va comprendre. Non, crise de la trentaine, tu l'as vécu ou pas? Non, mais moi je crois que je suis en crise depuis longtemps. C'est ça, donc du coup t'as donc, de l'avance. Non, toi t'es en. Elle, ouais. Moi j'ai eu ma crise de la trentaine, ouais. Et tu peux parler un petit peu dans ton. En tant que femme, moi j'ai eu la crise de la trentaine. Et comment ça se fait? T'envoies tout bouler. Bah, ah ouais, c'est ça. Ouais, tu fais un peu un bilan et tu te dis, ah merde, en fait il y a trop de trucs que j'ai pas fait ou il y a trop de trucs qui me conviennent plus dans ma vie. Et tu changes plein de choses, ouais. Et t'as restart le truc. J'ai divorcé. C'est vrai, je rigole même pas, je te jure. Incroyable. Et puis j'ai voyagé et j'ai changé. T'as pris un van en train d'arrêter de faire un. Mais rien, van. Même ça, mais incroyable. Mais ça, c'est dingue. C'est génial. Je suis allée en Islande en van. Incroyable. Et t'as kiffé? Trop kiffé. C'était et... trop bien. Moi, j'étais pas tout seul. Hein. J'étais avec mon mec. Mais... Waouh, elle a un mec en van. Oh là là. Oui, vraiment. Et puis, changer de mon tout, entre guillemets, la façon de vivre, quoi. Voyager plus, je sais pas. Est-ce que t'as voyagé plus pour dépenser plus? Bah, j'avais pas trop le choix. Mais c'est ce qui s'est passé et c'était trop bien. Moi, j'ai une question pour les gens comme ça parce que ça me fascine. Attention. Van life. Ça me fascine toujours parce que moi, j'en suis incapable. Je suis quelqu'un de terrorisé. Et puis en plus, je suis vraiment bien dans une vie qui bouge pas, moi, pour le coup. Ça me correspond. Ouais. Je ferai une crise à 40 ans. Y a aucun problème. T'es où la semaine dernière, juste? À Los Angeles. Oui, ok, merci. Oui, mais pour le travail, ça n'a rien à voir. Non, mais. Oh, il est sous notre gueule. Ma question était de dire. Parler de mensonge tout à l'heure. Maintenant que tu l'as fait, est-ce que tu te dis c'est cool, je l'ai fait? Ou est-ce que c'est un truc où tu dis j'ai tellement kiffé, je sais que j'aurais re-envie de faire la ça? La crise? Non, je parle de partir en van, de changer un peu de vie à un moment. Ah, mais tellement. T'aurais bah oui, d'ailleurs j'ai réitéré seul cette fois, je sais pas trop ce que je voulais me prouver en Suisse en van seul avec deux chiens. Attends, seul, t'as été seul? Mais ouais, j'étais seul en décembre, il fait nuit à 17h, il fait archi froid, j'ai juste vu sur Instagram les photos des lacs et tout, je me suis dit ah ouais, super, je vais y aller. Je suis arrivée sur place, déjà j'avais pas de chaîne de vélo. Ah ouais. Du coup, j'ai dû en acheter, j'ai galéré, je me suis embrouillée dans des trucs, enfin vraiment très difficile, j'ai fait une nuit à moins 7 degrés. Alors qu'elle est sur Lukea ou Thomas Cook, Gerba, horrible. Mais oui, jour, mais je sais pas, non, mais c'était pas loin. Je me disais en plus, j'imagine, femme seule, c'est, ouais. J'aurais pas peur, tu vois, machin. J'imagine et en fait, les deux chiens te regardaient genre, qu'est-ce que tu fais? Mais ils avaient froid, les pauvres. J'avais de la peine pour eux en fait. Je me sentais coupable de les avoir entraînés avec moi, genre moi c'est pas grave. Et au bout de 3 jours, je me dis bon allez c'est bon, j'arrête les conneries là, je rentre. Ah ouais. Et j'entame la route pour rentrer à Paris, je fais un accident. De ah merde. Ah ouais. J'ai défoncé le van du gars parce que je l'avais loué, le pauvre. Un particulier. Hein, tu l'avais loué en particulier, ouais. Horrible, t'as payé combien? Je bah, j'ai pas payé du coup. Enfin, j'ai payé. J'ai la payé franchise. Les. Elle l'a mis dans le lac en fait, et elle a disparu, elle a changé. D'ailleurs, les chiens sont morts. Elle a buté les deux chiens, bon voilà, ils sont coulés dans du béton. Arrêtez, non, elle a perdu Nantes. Ça, c'est la pire chose, c'est quand j'ai vu mon chien taper le. J'ai crevé. Heureusement, je sais pas comment. C'est vrai que les deux chiens, de leur point de vue, très mauvais week-end. Ils ont des chiens. Non, après, on a fait des belles balades quand même, en forêt, en nature et tout, elles ont kiffé, tu vois. Mais là, je me suis dit, ok, calme-toi, là, tu pousses, il y a un truc que tu pousses, il faut que tu trouves ton équilibre. Là, c'était trop. Là, j'ai atteint le côté crise extrême où je me rendais pas compte en fait de la situation dans laquelle je me mettais. Melha me regarde avec. Oui. Melha, tu pourrais faire ça, toi? Pas prendre du un tout. Van et partir. Ouais, j'arrive pas à rester seul chez moi à 19h, les gars. C'est bon, je te jure, c'est l'un de mes objectifs de t'emmener. Ah oui, à deux, oui. Ouais, à deux. À deux seul, de t'emmener quelque part en van ou en. Mais viens, on va à Porte de Bercy, je veux. Non, t'inquiète. Je t'emmènerai pas loin, je t'emmènerai peut-être dans les Pyrénées. D'abord, Porte de Bercy, après un peu plus loin. Viens, on fait des chemins. Je vais faire ça step by step. Oui, c'est ça. Oui, parce que moi, des fois, je voyais des stories de Melha, c'est il y a des villas, il y a 400 personnes avec des rappeurs, des humoristes, c'est quand même, c'est la grosse histoire. Ah, clairement, moi, je te dis la vérité, je refais une télé-réalité chaque été. Et j'en ai rien à foutre. Jugez-moi. Je me dis, avec tout ce que tu fais pour Amazon, tu pourrais peut-être te faire financer tes vacances. Ah, mais c'est eux qui les financent. Tu mets 5 fatalement. Mais tu mets 5 caméras, franchement, tu pourrais te faire. Je suis à deux doigts de vendre ma vie. Ou une colioscopie, un truc. Oui, bah, tu peux. Tente-le, hein. J'ai aucun problème. Je suis vraiment la tempe d'Amazon et j'assume. Si Blanche Gardin veut m'appeler, qu'elle m'appelle. Pendant un an, j'ai cherché, tu vois, la vraie vanne que j'ai voulu faire, j'ai cherché à avoir le RIB de Blanche Gardin et je voulais lui envoyer 200 euros. Mais personne ne veut me le donner. Si jamais si vous l'avez. Si il y a un pay-lib, Blanche. Ouais. Pay-lib, ouais. Pay-lib, je te fais un 200 balles tout de suite. Parce que la van life, tu sais, Adrien, il l'a fait aussi. Mais oui, mais on en a parlé. Parce que, alors, pour dire, vous avez tourné ensemble sur un film qui va sortir dans quelques mois, j'imagine. C'était bien? Super. C'était trop cool. C'était super. Et ça sort quand? Aucune idée, ça, en revanche. Mais c'était réalisé par Vladimir Rodionov, qui était notre directeur artistique. Et il serait pas de l'Est. Bien joué. Bien joué, ça, perspicace. C'est une question, c'était pas dans le jeu. Hein. Ah ouais, non, non, non. Et qui était notre directeur artistique à Golden Moustache. Et oui, oui. C'est grâce à lui que je fais ce métier maintenant. Bien sûr. Voilà. Et à la rue. C'est les deux choses grâce. Oui, la rue, c'est ce qui m'a permis de tenir jusqu'à présent. T'as arrêté le crack ? Non, pardon, j'étais. Non, dis-moi. Je peux te mettre bien. Alors, nouvelle question, Fernando Cluster. Alors, ah oui, il s'appelle. Aïe, aïe, aïe. Un hacker pour moi, déjà, c'est sûr, certain. Il s'est fait opérer à l'hôpital d'Emory Midtown à Atlanta en septembre 2022 et il va porter plainte. Ils ont oublié un truc. Contre des médecins qui l'ont opéré. Alors, ils n'ont pas oublié un truc. Est-ce qu'il y a un truc à l'intérieur. Non, ils lui ont. Est-ce qu'ils lui ont retiré le mauvais organe ou un truc comme ça? C'est pas ça. Ils ont fait une connerie. Les médecins, ils les attaquent en justice. À votre avis, quelle est la connerie qu'ils ont faite? C'est une maladresse. Hein. C'est pas un truc pervers dégueu. Ouais, ok. Ouais. C'est un truc. Oui, c'est un accident quoi. Mais une grosse maladresse. Attention, hein, on est sur une grosse maladresse. Ils sont trompés de sang. Non. Ils l'ont pas. Ils seraient dead, je pense, si tu fais ça. Peut-être. Non. Oh, bah non, je suis con. Les dons du sang, tu peux. Bah oui, mais c'est tu. Faut mais faut ton bon groupe. Ouais, le bon, oui. J'ai pas de carte vitale. Ok. Je peux pas dire. Wow. Ouais. Ils l'ont opéré pour le mauvais truc. Ils l'ont pas opéré pour le mauvais truc. Je vois que tu fais ouais, mais là, sache que je n'ai même pas de numéro de sécu. Et tout le monde me dit, bah si, c'est obligé. Je n'en ai pas. Non, un après, truc, je te crois parce que moi, j'ai 3 numéros fiscaux. Tu vois? Bon, allez. le but, c'est qu'il y a. Mais par contre, fisc. Je comprends pas comment. Bah, tu payes tout. Quoi. Mais je vais jamais chez le médecin, donc je paye pas tant au final. Okay. C'est là où je suis un génie. Donc, quelle est la maladresse qu'ils ont fait? Ben oui, bien sûr. Est-ce qu'ils ont posté une photo de lui sur internet par accident? Non. Genre un selfie. Est-ce qu'ils ont oublié quelque chose à l'intérieur? Chirine, pour la quatrième fois, non. Je te jure. Mais tu sais que j'ai du mal à me concentrer ce matin pour de vrai. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que je suis là sans être là. J'ai l'impression que je fais deux podcasts en même temps, moi. Ouais, il y a un truc. Il y a un truc qui se passe. Il y a la lune encore. Donc, tu as déjà dit qu'on avait oublié un truc et on a dit non. Oui, c'est le premier truc que j'ai dit. Après, t'as dit, ils se sont trompés d'organe et on a dit non. On a dit non. Voilà, attends, mais donne un indice, wesh. Waouh, tu m'as mis une petite tape là, Melha. Donne-moi un indice, wesh. Bah, un indice, franchement. Mais non, mais attends, on va trouver. C'est une vraie maladresse, je peux pas te dire mieux, ils ont vraiment fait une connerie. Est-ce qu'ils lui ont retiré quelque chose? Oui. Est-ce qu'ils l'ont rasé? Ils l'ont pas rasé. Mais c'est ce que j'ai dit, ils ont retiré le mauvais truc. Alors, oui, mais ils n'ont pas retiré le mauvais truc. C'est pas un organe, c'est. Non, et puis ils n'ont pas retiré le mauvais truc. Mais alors, ils ont retiré. Ah, donc, ils l'ont opéré. Ils ont trop retiré. Ils n'ont pas trop retiré. Bah, ils l'ont opéré, c'est ça. Ils l'ont opéré. Ah. Est-ce que c'est une réduction du pénis et ils en ont trop enlevé? Non. Oh, wow. Est-ce que j'ai fait une réduction de pénis en plus? Écoute, c'est très moi, je connais un mec, il a fait ça. Ah, genre, c'est comme réduction de ma mère quand c'est too much. Ouais, c'est bah ça, oui. Quand tu sais plus... Si ça blesse les gens, ça blesse les gens. Ouais, tu sais plus quoi en foutre. T'es là, genre, qu'est-ce que j'en fais? Ça, on m'a dit. Ça, hein. C'est marrant en plus. Ouais, c'est plus quoi en foutre. Eh oui. Ouais, mais il est archi tôt pour faire des vannes en dessous de la ceinture. Oh, ça va. Pardon. C'est qui, Mère Teresa, du coup, là? Ah. Eh, je suis prude et proud. Allez, Miss Kina, saison 2. Pas mal, prude et proud. Tu peux faire des t-shirts, je pense. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, le pauvre? Ah non, je me suis salie. Ah non, elle s'est renversée de la flotte. Est-ce qu'ils ont mal refermé? Est-ce qu'ils ont recousu un mauvais truc? Alors, est-ce qu'ils ont collé deux trucs qui ne devaient pas coller à la couture? Très drôle. En thermocollant. Les doigts. Malheureusement, les pied. Ouais. Ils lui ont mis un frère si à moi. Il s'est réveillé, il avait un frère si à moi. Est-ce qu'ils ont mis ça, la vésicule sur la teub? Je sais pas, un truc genre. Oh, wow. Vésicule sur la teub, c'est un poème en plus. C'est un poème. Est-ce que l'opération, c'était retirer quelque chose? L'opération était à l'origine une ablation. Voilà, une ablation. C'était pas une ablation. Ils ont dû soigner un truc. Mais pour soigner ce truc, ils ont dû l'ouvrir. Et ensuite, ils ont fait une connerie. Alors, ils l'ont pas mal refermé. Est-ce que c'est la bite ou les couilles? C'est pas. Non, mais déblayons. Écoute-moi bien, Pierre Bénichoux. Ce n'est ni la bite ni les couilles. D'accord? Non, mais on déblaye. Mais non, mais t'as raison. T'as raison. Mais vous pouvez commencer par ça. Donc, attends, c'est quelle partie du corps? Est-ce qu'on en a tous un? Ah, on en a tous un. Un sphincter. Alors, on l'a aussi tous un sphincter. Et ça, je sais que c'est la nouvelle chanson des enfoirés. Les sphincters. On a tous un sphincter, riche et pauvre. Non, alors, mais c'est pas un sphincter. Un truc qu'on a tous. Vous pouvez, voilà. Est-ce que c'est dans quelle partie? C'est pas un organe, c'est vraiment une partie du corps. Le visage. Un peu au-dessus. La tête. Le crâne. Le crâne, ok. C'est le crâne. Ils lui ont ouvert le crâne. Ils ont opéré le crâne. Enfin, opéré le cerveau. Ils ont ouvert le crâne. Et la cicatrice a une forme particulière? Non, c'est le croix gammée. Bah c'est ça, tu vois, je me disais, j'en sais rien. Tatouage tribal. Non, je vais vous donner la réponse. Mais non, mais attends, oui, on y est là. Franchement, là, ça y est. Bah, ouais, franchement, je pense qu'on est en train de râler. Ok, non, vous êtes pas... Aux grosses têtes, il y aurait eu la petite musique. Ouais, c'est vrai, on aurait demandé aux gens du public. Ouais. On leur a donné 200 euros. 200 euros, exactement. Ils ont perdu le bout du crâne qu'ils ont enlevé. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert un petit bout de crâne, ils ont opéré le cerveau, ils ont fait merde. Bah attends, mais le mec il allait faire ses courses avec vous. Enfin, c'est à l'hôpital, c'est à l'intérieur de la salle d'opération. À quel moment tu perds? Ah bah oui, oui. C'est une salle d'op. C'est quel pays? C'est les États-Unis d'Amérique. Je rappelle qu'ils n'ont pas de sécu, comme moi, je suis un ricain. Fernando Cluster a été admis en septembre 2022. Son nom est génial. Septembre 2022. Ah oui, ça date. Par les services. Bah non, ça date pas. Non, c'était pas en 97, genre. Ah oui, non, pardon. Oui, oui, mais parce que moi je vais tellement vite. Pour moi, bah 2022, c'est tellement le passé. Moi, je vais que aujourd'hui, demain. Pour réduire la pression exercée sur. Un high five à cette blague. Mais ouais, et pourquoi pas. Et tu sais, pourquoi pas. Ok. Je l'ai vu au ralenti, je me suis dit, qu'est-ce qu'on est ringard. On l'a un peu regretté en le faisant. Plus, je crois qu'on s'est même pas regardé dans les yeux. Ouais. J'ai envie de me déplacer. Ouais. Allez. C'est comme faire la bise sans faire le. Tu vois, c'était vraiment. Ça me dégoûte. Ouais. Il y a des gens qui font ça vraiment, de faire la bise sans faire. Ouais, le... j'en connais. J'ai déjà. Ouais. C'est les mêmes mecs qui dorment en jean. C'est les psychopathes. Des SDF, ça s'appelle ça. D'ailleurs, on est dans un milieu, je trouve, où les gens font trop de hugs. Voilà, je tenais à le dire. Les gens du métier. Le milieu du cinoche. Du cinéma, de la scène. Beaucoup de câlins, beaucoup de. Et ça, j'aime depuis pas. Bah, c'est Carrie, toi, t'es Carrie. Moi, je suis. Hein. Bah, mais les Carrie font des câlins, ouais, c'est vrai. Ouais, mais ils font pas la bise. Je préfère les câlins à la bise, moi. Ah oui, moi aussi. Mais moi, j'arrive plus à savoir si j'avais faire la bise ou pas. Il y a des gens, des rentrées, nous ont tendu les poings comme si on avait tous des micro-organismes. Des fois, ça m'arrive où moi, je me dis, bah non, je peux pas taper la bise, je connais pas. Et du coup, je lance une. Et en fait, on vient me faire la bise. Oh, je me dis putain, je comprends plus rien. Ouais, mais tu préfères le check, le check est très bien. Moi, je préfère le check. Mais moi aussi, mais moi aussi. C'est le Covid là. C'est le bon truc du Covid, c'est que ça avait éradiqué la bise. Le temps que tu perds, tu sais, à faire des câlins. Puis la bise, c'est vraiment un truc à l'ancienne, genre. Ouais, c'est dégueu. C'est moi, je trouve ça juste dégueu. Mais je cancelle la bise, tel que vous me voyez. Je comprends. Donc oui, pour réduire la pression exercée par son crâne sur son cerveau, les médecins ont dû décrocher puis extraire un morceau de plus d'une dizaine de centimètres de cette os. Obligé de rentrer dans les détails. Il a pété son crâne. Il a pété son crâne. Littéralement. Bah, il a vu Inox monter l'Everest. Ah, d'un coup, il a pété son crâne. Et donc, c'est bien Inox qui monte l'Everest. J'ai pas regardé, je t'avoue. Mais pour moi, c'est un shonen en tout cas. L'esprit est shonen. Et donc ils ont perdu, donc ils ont mis une petite plaque quand même. Ils ont pas laissé ça à l'air libre. Ils sont si bons. Ils ont mis plusieurs pans. En fait, c'est Midas. Côte à côte. Mais vous savez ce que c'est le pire? Parce qu'il y a un pire dans tout ça. Bah, il a eu une infection du coup. Non. Il a fait un rejet. Non, il s'est fait donc poser un implant synthétique. Sauf que l'hôpital lui a facturé. C'est comme ton gars qui a réparé tes chiottes, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est dans le même état. C'est le même mec. Il a fait bah quand même le coût de la plaque, c'est pas gratuit en fait. Puis c'est à mes frais, quoi. Bah, c'est voilà. Ça. Et donc il doit payer 146 000 euros. Ah, c'est les States, mon pote. C'est les States. Et donc il espère, bah, il porte plainte pour obtenir une compensation financière. Je pense qu'il va être riche plus. Voilà, lié à la détresse morale et également après la. Et en plus, il y a eu une surinfection. Enfin bref. Ah, je l'avais dit. Ouais. Non, mais bien sûr. Je l'avais dit ou non? Bien sûr. Tu m'as dit non. Je sais qu'autour de la table, on a quelqu'un qui est très proche du monde médical, c'est Melha. La dernière fois, on en avait un peu parlé, c'était il y a un an. J'ai un PhD. Ouais. Est-ce que ça va mieux vis-à-vis de ça? Est-ce pas qu'on est tout. Toujours. Non, un peu hypochondrie, toujours. Oui, mais en fait, j'ai des périodes. Ça allait cet été, et là, c'est revenu. Donc là, je suis full en hypochondrie. Est-ce que ça veut dire que c'est quand t'es à Paris que ça. C'est... Peut-être. Moi, je pense que c'est à cause de la sortie de la saison 2. Ah ouais? Je pense qu'il y a une petite. Moi, je pense pas, parce que même quand je sortais pas des séries à succès, parce que comme ça avait marché. Non, en vrai, je pense que c'est un truc de. J'ai fait des examens de tout là. Ouais. Et rien. Bah bien. Voilà, c'est ça. Mais je vais trouver. Oui, ouais. Du coup, tu vas te chercher. Comptez sur moi. Bah c'est ça, bien sûr. Chérine, toi, est-ce que t'es quelqu'un d'hypochondriaque ou ça va? Non, tranquille. Non, ouais. Je vais très rarement chez le médecin aussi. Par contre, j'ai un numéro de sécu, moi. Oui, bien joué. Mais là, ça serait bien que bah, je fasse j'ai un eu ma mère check. Là devant moi. Là. Il y a un nouveau check-up. Je suis pas encore à 44, mais je me dis, c'est pas plus mal. Il y a un nouveau check-up. Tu rentres dans une clinique, ils te font tout. C'est ça que je veux faire. Je t'emmène. Ah, tu veux faire un check-up complet? Ouais. Mais en vrai, mais ça ouais, j'aimerais bien aussi quoi. Ah, bah, j'ai deux plans. On fait le plan très cher et le plan moins cher. Je vais prendre le moins cher, moi. Non, et après, j'ai un autre plan. Parce que j'ai, avec mes médecins sur un groupe WhatsApp, on s'est dit qu'on allait faire. Non, mais là, attends, allez, t'as un groupe WhatsApp d'accord. avec plusieurs médecins? Bien sûr. Oui, non, ça, je veux pas ça. Ça, c'est les médecins. Mais c'est qu'une fois sur c'est le tournage, elle a FaceTimé. Une fois sur le tournage, elle a FaceTimé son docteur parce qu'elle a pensé qu'elle avait eu un petit truc. Elle était là. Ouais, je me sens pas très bien. Et elle a FaceTimé. Normal. Après, comme un les pote. Docteurs, c'est aussi des humains. FaceTime un pote. Oui, je sais, mais c'est aussi des humains, on est amis, tu vois. Oui, mais si le mec il est dispo à toute heure de la journée. Non, pour il est faire pas dispo, j'aime bien, il s'appelle Jacques Piri, je l'embrasse. C'est un charlatan. C'est un ancien. J'aimerais vraiment bien que tu me fasses. Mais c'est faire cool un de faire des petits check-up de temps en temps. Ça, mais ça devrait être. Ça, bien sûr, en revanche, la phrase mes médecins c'est aussi mes amis est flippante. Ouais. Un petit peu. Le groupe WhatsApp c'est quoi? C'est un. Santé mentale de Melha. Oui, non, mais je veux dire. C'est ça, belle. Chacun a une spécialité, évidemment. Je m'achète une villa grâce à Melha. Ah ouais, je crois. Ils vont au golf, ils m'envoient des photos comme ça. Merci Melha. Rassure-nous, ça va pas mieux. Non, ça va pas mieux. Non. Ok. Adrien? Toi, t'es toujours hypochondriaque. Toi aussi, t'es hypochondriaque. Je suis pas hypochondriaque, mais je suis très à cheval sur se laver les mains. Donc ça, j'ai vu sur le tournage. Base, le tournage aussi avec le. C'est pour ça que t'es blanc comme un cul. T'as une tête à. Non, mais t'as une tête. On a le droit d'être blanc encore dans notre pays, en fait. Ouais. Appelle-le face de craie, carrément. Non, mais je trouve qu'il est très blanc propre. Il est propre. Ouais, c'est vrai que t'es propre. Je sais pas comment le prendre, du coup c'est bizarre. Au début ça sonnait hostile, maintenant ça ressemble à un compliment. Non, c'est fou, un compliment, mais tu le trouves pas archi propre pour un chauve? Ouais, bon allez. Ça a basculé dans le. Là, si je peux te donner. Là, le coup de pelle, c'est maintenant. Là, le coup de pelle de 44 ans, c'est maintenant. Il a une peau bien nette. Une belle peau. J'avoue, on dirait que t'es poudré, par exemple. J'ai mis de la crème, par exemple. C'est parce que j'ai de l'eczéma, je suis obligé. Mais il est vegan, je te dis. Oui. Sur Fortnite, on peut c'est Adrien Belpont. En vrai, c'est pas tant vegan, mais c'est plus que j'ai jamais fumé et jamais trop bu d'alcool. Je pense que j'ai jamais fumé, jamais bu d'alcool, je suis immonde. Mais non, t'es pas immonde. Non, mais après, ton alimentation. C'est ça. Voilà. T'as un enfant aussi. J'ai un enfant. Moi, je reviens de Suisse en plus. Oh là là, t'as kiffé? Au bord du Léman, c'était génial. Mieux que Chirine en termes de. Aucun accident. Mais d'ailleurs, il faut que j'y retourne pour un peu. Exorciser. Alors, on m'a dit, la Suisse, c'est beau, on m'a montré des paysages, c'est génial. Et puis, alors, une quantité de médecins, mais là-bas, tu vas régaler. Ah là, vraiment, c'est l'équivalent de Dubaï pour toi. Ça va être tout mon Euro Disney. Ça au printemps. Tu vas prendre des photos. On peut pas y aller là avec des médecins et des stéthoscopes. Au printemps, on ira en van là-bas. Aller à Mérano, c'est vraiment très très très beau. Faire changement de sang et tout. Tu pourrais aller jusque-là en vrai de vrai. Bien sûr. Ah ouais, vraiment. MDR. Il est malade. Aznavour, il l'a fait jusqu'à la fin de sa vie. T'as les sportifs, ils y vont. Ça se voit qu'ils tiennent. Mais oui, c'est vrai, ça a l'air de marcher. Incroyable. Il y a Buchinger. Après, les sportifs, ils ont aussi, genre, une hygiène de vie responsable aussi. Ouais. Je pense ils changent ton sang, ils oxygènent ton sang. Mais alors, j'ai une question, Mela. On rappelle un homme. Comment ils font ça? Ce ne sont pas des conseils médicaux. Oui, mais par contre, écoutez, Simès n'est pas là avec nous. Mais le truc du crâne de tout à l'heure, genre, ça t'a mis dans tous tes états. Et là, le fait de changer le sang, ça te. Oui, mais si c'est 12 000 euros, c'est que c'est bien pris en charge. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mais là, c'est 146 000 euros. Oui, c'est vrai, je sais pas, arrête, tu m'as mis le doute. J'ai une question, Mela. Donc, lavez-vous les mains. Voilà. Toussez dans votre coude. Adrien, il serait un très bon daron là-dessus, puisque même il voit les gens malades à 12 km. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui fait genre, t'es, tu vois, t'es dans une soirée. Je peux pas dire. Tu vois, il y a un mec qui fait. Il voit, oula, je vais pas lui dire bonjour. Après, c'est non, juste, là, il sait que t'es de la coque. Attends, ouais. T'inventes. Non, que c'est quoi, non. Je suis un cochon truffier de malade. Il a trouvé le Covid, ce mec. Non, mais c'est vrai que tu es. Tu vois, là, tu je suis sens. Méfiant, t'es là, tu fais, oh, t'es malade, toi. Et souvent, il a un sixième sens. Mais Melra, j'ai une question pour toi. Toi qui fais attention justement à ta santé exacte et tout ça et tout ça. Tu ne t'es pas fait l'opération des yeux. C'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Non, car puisque tu vas rentrer dans les détails et puisque tu veux que je dise toute la vérité ici. Je t'en supplie. Moi, je suis myope et astigmate. Ça veut dire que si je fais la myopie, il resterait l'astigmatie. D'accord, donc ça sert à rien. Non, et j'attends qu'elle soit vraiment stable. Moi, j'ai ça. Et t'as pas un peu peur quand même? Moi, j'ai un peu peur quand même de l'opération. J'ai complètement peur parce qu'ils te tiennent les paupières. C'est ça. Et tout ça, c'est moi, j'ai accompagné ma meuf qui l'a fait et en vrai, c'est exactement ce que vous. Tout à l'heure, tu nous charmes et t'as une meuf. Ouais, c'est vrai. Mais ça va pas? Ben ouais. Je pensais qu'on allait être ces petites saveurs de l'Orient. Mais c'est ça, je souffle. Mais je suis un pervers narcissique, moi, depuis le début. Ah, hein. Ben ouais, bien sûr, évidemment. Je savais que t'étais Vincent Cassel dans Mon Roi. Évidemment. Ça se voit à l'appart. Mais non, mais j'ai accompagné ma meuf et je pensais qu'on en faisait des caisses sur le côté, effectivement, charcutage et tout. Non, non, c'est ça. C'est mais attends, t'as ça. Vu mais elle l'opération a revu vite. Ouais, j'ai accompagné parce que j'ai tenu la main un peu comme un accouchement, tu vois. J'étais. T'es en fait, t'as juste un petit rideau. Y a que nous, on a des vieux cums, ils nous accompagnent nulle part, on l'a. Attention. C'est qui nous? Regarde. Je sais pas, nous les myopes. Les autres myopes. Alors, une nouvelle trend TikTok fait son apparition, le road la dogging. La pâte à tartine. Non. Non. Le road dogging. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ah, j'en ai un chien. Road dogging. Je reviens de l'Essonne. Alors, est-ce qu'il y a road déjà? S'il y a road, c'est alors, c'est pas route. Road parce que je confonds. C'est pas un truc c'est où road tu... dogging. Est-ce que c'est pas un truc où tu portes pas de slope ou un truc comme ça? Alors, c'est pas ça. On est encore une c'est fois. C'est un chien, non? Pas un chien, pas bah, les dogging. Chiens. Mais si, j'en ai entendu parler. T'énerve pas. Dogging, c'est pas une danse? Ça pourrait l'être. Tu peux l'inventer. C'est le doogie plutôt, non? Ah oui, dogging. Ouais. Si je peux me permettre, je suis dans le moi j'ai une heure d'autonomie. Là, je vous dis la vérité. Mais si, va falloir la recharger dans pas longtemps. Je vais aller mettre... C'est ma Zoé, c'est moi, je suis Zoé. Ah non, non, non, non, non, je crois que je sais. C'est un truc lié au voyage, non? Alors oui, est-ce qu'on peut voilà, essayer de deviner autour de la table? Je serais. Qu'est-ce que c'est un truc de van life? C'est pas un truc de van life. Mais c'est lié au voyage, Adrien a raison. Donc j'ai pas. On laisse. Ah bah vas-y, t'entends des trucs, mais j'essaie de faire jouer un peu. J'essaie de faire jouer un peu tout le monde, mais si tu as le truc, vas-y. Est-ce que c'est un truc d'hôtel? C'est pas lié à l'hôtel, mais par contre, ouh, Adrien. Ouh, c'est pas du tout ça. Ah, mais tu en sais. Vrai, tu l'as, tu penses? Je crois que je sais, mais je suis pas sûr. Est-ce que tu as déjà le moyen de transport? Le train, non? Pas du tout. Allez, non. Allez, va dormir, frère. Le vélo. Pas le vélo. Mais non, c'est des transports en commun. C'est la moto. Peu. C'est des transports en commun. Ah, le tram. Le métro. Pas le métro, pas le tram. Le bus. L'avion. Pas le bus, l'avion. L'avion. C'est... Bien joué, Chirine. Bonne réponse pour Chirine. Je sais. C'est quoi? C'est l'avion où tu sais pas où tu vas. Alors non, c'est pas ça. Mais ça, c'est terrible. Ça m'énerve. Moi j'ai envie de leur taper le truc dans la nuque. On sait pas, on arrive à Istanbul et tu les vois, ils sont ouais, bande de cons. Tu vis pas assez dans aujourd'hui et demain. Choisis où tu vas. C'est vrai que tu manges pas aujourd'hui et demain. Tu vas, tu sais. Il y a des compagnies aériennes où genre tu payes et tu sais pas où tu vas, c'est surprise. Ah bon? Ouais. Tu sais pas si tu. Et il y avait des interviews où ils disaient on sait pas si on prend des doudous, non, on sait pas si on prend des doudous. Nique ta mère, choisis ta destination. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment quand tu sais mais attends, plus quoi coup, faire de ton argent. C'est et du vraiment... coup, quand t'arrives, comment tu fais l'hôtel, les trucs, comment tu. Ça fait partie là, ouais, un peu du concept, je pense. Ouais, mais c'est dur. Ah, je sens que ça t'énerve, Shane. Ouais, là, parce que je crois que justement, après la trentaine, j'ai un peu une manie d'organisation et d'anticipation des choses pour optimiser ma vie. C'est nul aussi, mais. Bah, ah ouais. Non, mais je suis dans ta team. Moi, c'est. À la différence près que je suis comme ça depuis 6 ans, hélas, pour moi. Ouais. C'est dur pour les autres, je trouve. Je sais pas. Moi, j'ai un truc vraiment kiffant et je sais qu'Adrien, il est comme moi à ce niveau-là. C'est que je suis vieux depuis que j'ai 12 ans. Et de voir absolument tout le monde arriver un tout petit peu à me dire. J'entends des gens me dire des phrases comme oh, des fois c'est cool de pas sortir. Je fais oui merci. Je vous dis ça merci. Depuis des siècles. Merci. Et je vois tout le monde arriver à mon niveau et j'ai l'impression d'avoir été hype sur le fait d'être un gars. Avec toi, c'est très bizarre. C'est comme moi, j'étais hypochondriaque depuis longtemps et quand il y a eu le Covid, tout le monde se lavait les mains d'un coup. J'ai dit bah oui les gars, ça fait longtemps que je dis que j'ai hydroalcoolique, c'est bien. Bah ouais, mais j'étais un peu dans ta team là pour le coup. Je sais, mais les gens qui se lavaient les mains, bah après ils ont vite arrêté de se laver les mains d'ailleurs. Hein, ah tu trouves? Ah moi je trouve qu'on l'a gardé le réflexe. Ouais, et je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de trucs à gel hydroalcoolique public, je trouve. Genre devant ça, les snacks, bien, les j'adore. Trucs, ça bouge ça pas. Mais il dégoûte, c'est celui qui colle. Ah, il est pas. Ça, j'adore. Par contre, le masque, ça. Ah, le masque, c'est le masque a été vite abandonné. Mais c'est en vrai, le masque, même quand t'as un rhume et tout, tu devrais, quand tu prends les transports en commun, le mettre, quoi. Bien sûr. Et j'avoue que le masque que me restresse. C'est-à-dire que quand je vois dans mais les trucs quelqu'un avec un masque, pour moi, il a le Covid. Non, mais. Les snowflakes. Je suis d'accord. C'est vrai que toi, t'es en train de faire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de grave qui va. Et la variole, on n'a pas parlé de la variole du singe. Ouais, mais. Bah, mais y a un nom, elle a un nom drôle aussi, c'est ça le problème. On a non, peur, moi, envie d'avoir que, quoi. Moi, si j'ai la variole du singe, je fais un spectacle. Je fais l'affiche de mon spectacle comme as parce que la teuté est folle. C'est fou. C'est marrant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une blague. Y a pas eu de mort encore, je sais pas. Le mot variole phonétiquement est drôle. Et singe. Bon, ça me régale. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. T'as un peu envie de voir quand même. Mais c'est terrible. Mais faites-vous vacciner. Bah non. De quoi? Non, moi je suis toujours sur. J'aime gagner, donc j'essaie de trouver la réponse. Oui. Je vous laisse traîner TikTok dans l'avion. J'ai pas osé prendre mon téléphone. Oui, donc dans l'avion. C'est pas de filmer le pilote. On l'a dit, ça n'a rien à voir avec le chien. C'est un peu un truc de bobo de merde. Voilà. Hein? Je le dis. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut énerver Melha. En tout cas, moi ça m'énerve. Je pense que est-ce que je peux te tenter ou pas? Bien sûr, vas-y. Est-ce que c'est genre t'y vas mais sans valise, sans rien? Alors, c'est pas ça. Ça emmerde pas les autres. Ça, c'est pas ça. Mais... Attends, ça emmerde les autres, t'as dit? Non, ça emmerde pas spécialement les autres. Ah, non, j'ai compris. Non, moi, ça m'énerve dit... le... voilà. Ah, oui, philosophiquement. Okay. Je trouve ça genre, oui, bon, allez, arrêtez de faire vos. Moi, je me dis, arrêtez de faire vos malins quand j'entends ça. Voilà, c'est plus ça. Arrêtez mais ça énerve pas les autres, malin. Tu vois. C'est je pas pense que tu viens sans. Au sérieux, ça m'agace de pas trouver. Ouais, attends. C'est pas forcément sans valise, mais tu peux le faire sans valise. Et c'est surtout sur. Sans chemise. Sans chaussures. Alors non, mais sans chaussures, c'est tout le monde. J'ai jamais vu autant de gens pieds nus que dans l'avion, moi, la dernière fois. J'ai pris. Oh, tu trouves pas? Oh. Moi, je déteste. Ah, j'ai pas vu encore. Ah, moi, je trouve dans l'avion, les gens sont pieds nus. Ah oui, en chaussettes. Ah, bah oui, en chaussettes. Ça paraît. Mais dans le train aussi. Tu le fais. Ah, dans le train, c'est horrible. Ça, c'est parce que tu le fais. Moi, le train, non, la roue, non, ça non, non. Moi, enlever mes. Non. Ah, donc enlever tu le fais dans. Alors attends, dans l'avion, mais dans le train, c'est ok. Ouais, c'est vrai. J'ai réalisé en le disant. Je viens de te mettre face à tes. T'es plus à l'aise dans le train, t'as plus d'espace dans ton siège. Tu vois, tu peux ramener tes jambes et puis les trajets sont parfois plus longs. Ah non, en avion, c'est très long. Bah, moi, j'ai pas encore fait de longs trajets. Enfin, si j'en ai fait une fois, mais je trouve ça nul. Ah ouais. Et là, je me dis que quand je le ferai, c'est que ça serait, j'espère, en première classe. Oh. Non, sinon, je trouve ça vraiment. Ça change rien quand t'as peur de l'avion, les gars. Moi, je trouve. Ah, t'as peur de l'avion, Chérine? Pas du tout. Ah non, j'ai vraiment le confort. En fait, t'as posé la question, elle a pas dit oui et t'es buté sur ça. Parce que toi, tu as peur. Parce que j'ai un peu peur de l'avion. T'as mais peur c'est... d'avion? Oui, ouais. Un petit peu, mais je me dis quand même première classe. Enfin, à part juste être mieux pour mourir, bon. Oui, ah bah oui, bien non, sûr. Non, c'est sûr, si tu as crevé, tu crèveras, mais autant crever. Bah c'est ça. Assis bien. Ah ouais, ouais, avec vois. Plein de films. Franchement, wow. C'est ouais. Avec la VOD Max. Ah, tu mais tu l'as aussi sur les longs trajets. C'est les mêmes films. En écho, hein. Oui. Je sais pas, j'ai connu. Toi, qu'il y a des scènes coupées chez les pauvres. C'est vraiment juste la taille du siège. Tu sais qu'il coupe plein de scènes. T'as François Cluzet qui vient, qui te dit alors cette scène, on l'a fait comme ça. Et t'as un panneau. Cette scène a été coupée pour des restes. Bah oui. pas, Cheb. Mais non, je rigole, je sais. Merde. Oh non. Par contre, j'allais en Arabie Saoudite, j'ai regardé Elvis dans l'avion. Il y avait plein de scènes que j'avais pas. Je suis arrivé chez moi, j'ai regardé. Il y avait là les scènes chambées. Voilà. Du coup, là, c'est vrai ou pas? C'est vrai, là, c'est vrai. Mais tu sais, ils censurent selon les pays, les trucs, les machins. Bien sûr, non, ça. Bon, c'est un truc un peu genre philosophique, ouais, machin. Trend, pensez trend TikTok, vous savez, c'est le genre de truc. Sans téléphone. Ah, je sais ce que c'est, oui, ça y est, je me rappelle. Il est là. C'est tu ne fais rien du trajet. Tu ne fais pas de téléphone, pas de divertissement, rien. Pas du d'écran, tout. Pas de film. Mais tu fais quoi? Même pas rien, une sieste. Ah, genre, tu, bah, tu médites un peu quand même. C'est ça, tu t'es montes. Un peu dans la, t'es dans aujourd'hui et pas dans demain, tu vois. Tu okay. montes dans l'avion, tu t'assois et tu ne fais rien. Ouais, c'est ça, ça y est, c'est bon. Mais t'as le droit de dormir? Non. T'as le droit, tu dois être juste dans l'instant présent. Comment mais il s'appelle genre... qu'on les insulte aussi? Parce qu'il c'est des gens qui y a font pas du... de raison qui t'avais est dit, la... T'avais dit, c'est des gens qui font le road dogging. Ce que je trouve fou, c'est que c'est une trend TikTok, mais du coup, qui filme? Parce que si t'es pas loin d'avoir oui, ton téléphone, oui, donc voilà. Ah si, la personne qui est avec toi. Ouais, mais donc vraiment, c'est m'énerve d'autant plus. Oui, oui, bien sûr. Et donc bien là, le record apparemment vient d'un Américain qui tient le record avec un vol de 13 heures sans rien faire d'autre que penser et cligner des yeux. Donc même pas un petit dessin, un petit truc. Non, mais ça, attends. Moi je pense que ça c'est un mensonge parce que quand tu le proposes à manger ou à boire, il a au moins dû dire oui merci ou non merci. Moi c'est ça. Est-ce que t'as le droit de manger? C'est ça ma Est-ce question. Est-ce que t'as le droit d'aller au faire pipi? Ouais, ça je moi, sais pas. Je t'en prie, Shane. Mais je sais pas si t'as le droit de pisser d'ailleurs. Est-ce que oh, j'imagine. Non, l'idée c'est de pas se divertir. Donc j'imagine que manger, pisser. Bah, donc t'es en méditation 13 heures. C'est ça. Ouais, non. Mais non. Moi je peux juste devenir fou surtout. Ah, moi c'est. Moi je peux mourir. C'est pas mourir. Pas fait, mourir de ton propre acte quoi. Ah. De réfléchir. Ouais, ouais. Comme ça et tout. Toi tu fais de la méditation par exemple, Mella? J'ai essayé, mais en fait le fait de méditer me fait stresser. Ouais, c'est ça. Mais ça c'est le au début quand tu. Sur petit bambou. Ouais. Ah, t'as tenté petit bambou. J'ai tenté petit bambou. Et après je me suis dit, écoute, pourquoi je n'irais pas prier 5 fois par jour? Oui, voilà. Bah, mais c'est une sorte de méditation. Ouais, pour moi la prière et la méditation ça se ressemble vachement. Bah, carrément. Mais la méditation, de fait d'être concentré, mais il faut s'accrocher, je crois. C'est ça. Je crois qu'il faut s'accrocher. En fait, au début ça t'énerve parce que tu dis, j'y arrive pas, mais comme quand tu commences n'importe quoi. Oui, en fait, oui, un oui, peu. Oui. Après, ça peut toi, devenir. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais c'est vrai que moi j'étais pareil. Au début, ça m'énervait. Après, j'ai essayé, mais je suis pas. Je crois que Chirine elle médite. Mais bien sûr. Évidemment. Mais moi, c'est juste. En fait, pour ça qu'elle a eu un accident d'ailleurs. Elle a médité au volant. Elle a vraiment tué deux chiens. Par le pare-brise. Mais moi, le truc, c'est que la méditation, en plus, je me rends compte, spectateur, que mon cerveau est atroce. En plus, ça qui est horrible. Oui, moi, bah, j'ai des trucs très dark, très horribles. Je suis juste spectateur du fait que mon cerveau crée des images ignobles. Et ouais, donc, ouais, je déteste moi, je ça. Je pense à des trucs, je suis mais folle. C'est ça, et ça m'énerve en fait. Toi, tu médites, Chérine? Alors, de un, j'ai pas tué mes chiens. Et de deux, et de deux, je n'arrive pas à méditer. J'ai essayé parce qu'apparemment, ça peut t'apaiser. Moi, je réfléchis beaucoup trop et je me prends la tête pour des trucs nuls. C'est ça. Genre les vannes. Ça m'angoisse. Genre la vie. C'est pire que les vannes. Et j'arrive pas. J'ai essayé de mettre des podcasts et tout. J'arrive pas à me concentrer. Ouais. Quand tu mets des podcasts, c'est mais en même temps, mais des podcasts de méditation. Après, tu vois, genre méditation, il y en a qui te disent il faut laisser passer les pensées, oui, ne pas s'arrêter. Ça. Il y en a qui te disent au contraire, il faut prendre chaque pensée. Tu sais, genre. En fait, ça dépend de l'analyser, lui dire ok, next, tu vois. En fait, en gros, la métaphore qu'ils utilisent parfois, c'est genre t'es sur une route, tu regardes les voitures passer, et en gros, les voitures. Bah, t'es gendarme, quoi. C'est tes pensées, quoi. En gros, tu les oui. regardes passer, mais tu les. Tu voilà. Les, elles sont. Les... C'est indépendant de toi et de ta volonté. En fait, je veux pas qu'on dise comment penser. Mais ça, ça se passe que pendant que tu médites. Du coup, tu vois, c'est quelque chose oui. que t'es censé au fur et à mesure appliquer dans la vie de tous les jours. Mais je trouve ça. Enfin, j'arrive pas encore à vraiment comprendre comment et. La finalité, quoi. Ouais. Et c'est bah, quoi, parce que c'est avoir une certaine discipline de penser. Oui, quoi. Je si pense. Si t'es capable de laisser penser, oui, mais... passer les pensées sans t'y arrêter. Mais je trouve ça prise de tête aussi. De penser à ne pas penser et que du coup tu vois tu t'en montres bah, et quand c'est un exercice pas, quoi coupé, c'est... tu te sens coupable ouais. Je me dis, ouais, c'est du taf faut... c'est du taf ouais, ouais, je faut... sais que c'est du taf mais ça rend anxieux je trouve ça rend bah, voilà. Je trouve que ça rend anxieux voilà. Et du coup c'est quoi toi par exemple Chérine ton truc pour remplacer un peu la méditation? Est-ce que t'as un truc le shit non le non je sais pas je l'attends jamais les fleurs de Bac jamais me fumer non plus non écouter des podcasts écouter des trucs justement pour pas réfléchir ah oui c'est ça ouais d'accord. Ou me balader en nature aussi ça m'aide beaucoup ah, avec mon chien c'est super ouais. Adrien quelle est la question quel est le truc qui te détend toi parce que tu dis que tu as fait de la méditation par le passé non un bon petit plat toi parce que ah, tu fais des lasagnes. Stories Adrien il fait des stories à mes proches. Et dans les stories ah, proches, on le voit sur des beaux paysages et on sent que ça lui fait du bien. Bah vois, là, il est, là, ouais, il est... j'étais en Suisse, c'était. Ouais, je me suis. Mais même me suis pas baladé, que la Suisse, quand t'es suis... dans un bon petit paysage, on sent que ça te. Ouais, j'aime voilà. Bien. Non, en vrai, mais. Bah, déjà, moi, ça m'arrive, bon, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, mais de la méditation, j'en fais un peu. Et c'est vrai que ça peut. Une fois que t'arrives à le faire, ça fait vraiment du bien, quoi. Non, sinon j'aime bien faire à manger en fait. Il y a un truc un peu. C'est vrai que tu peux te. Ouais. C'est cool. Ouais. Et en plus, il y a vraiment une finalité immédiate. Et cette finalité, c'est un truc qui va te faire du bien. Et sur plusieurs aspects. Toute donc, la du coup, vaisselle y a un peu... que tu dois faire après et tout, ça t'angoisse moi, pas. Moi, j'aime. Bah, la vaisselle, ça me dérange pas. À la au contraire. Mais même la vaisselle, il y a un peu aussi un truc. Trop bien. Là, du coup, j'écoute d'accord. un podcast. Je suis. Et du coup, il y a un truc. Dans ta bulle, ouais. Voilà. Trop bien. Mais comme Diams, pareil. À la, bien sûr. C'est un de vos nombreux points communs. Avec Diams, c'est toi, oui, bien sûr. Mais moi, la bouffe, tu trouves pas que. Attends, c'est quoi ton point commun avec Diams? Non, il est dans sa bulle. Je suis dans ma bulle. Ah ouais, donc, génial. Dans sa bulle. Alors, ton chien s'appelle la boulette d'ailleurs. La boulette. Voilà. Ah, il s'appelle la boulette, ton chien. Elle s'appelle pas la boulette. Non, mais c'est son surnom. Ah, oui. C'est très mignon. La boulette. Ah, c'est très surprenant. Elle est adorable et elle est montée sur mes genoux pendant le tournage. Oh là là. Elle l'a pas fait avec tout le monde. Ah, je trouve ça trop mignon. Non, c'est elle qui l'a choisi. Elle a choisi. Trop mignon. Elle sent les gens. Et je te jure que elle sent vraiment les gens. Il y a sur le dernier tournage que j'ai fait, bah là où on était ensemble. Elle a aboyé sur deux par Dieu. Donc vous imaginez. Elle a vraiment. Non mais elle a vu. Genre elle s'est entendue avec tout le monde. Elle allait vers tout le monde. Et il y a juste deux personnes. Le premier contact, elle allait les chiquer, mais pas d'une façon agressive. C'est-à-dire, elle est allée doucement, puis elle a mordu, et puis elle est allée se remettre à sa place. Mordu, c'est agressif. Enfin, chiquer, ouais, d'accord, oui, bien sûr. Et elle ne l'a fait que deux fois sur deux personnes. Et c'est avéré que c'était des personnes de merde. Pas forcément de merde, mais en tout cas pas mauvaise. Mauvaise. Oh bah, tu me diras qui c'était après. Je jure, et en fait c'est fou parce qu'il y a personne qui l'a ils m'ont dit ouais, parce que j'en ai reparlé en disant je suis désolée, nanana, et on m'a dit oui, bon, en même temps, tu sais, c'est un peu mérité, je suis là. Bon, ah oui, bah parce que après, la personne n'est pas très sympa. Juste, ah ouais. On est d'accord que si les personnes en question écoutent le podcast, elles savent que tout le monde elles les détestait. Elles savent, mais surtout, c'est aussi, il faut se dire, bah il y a un problème dans la façon de travailler avec les gens. Ok, d'accord, on dit les termes. Ouais. J'aimerais juste Allez. Revenir sur la bouffe deux secondes parce que moi j'ai essayé de faire la cuisine, j'ai un enfant. Oui, non mais Florent. Non mais non, ça y est, déjà il me prend de haut. Non mais moi j'ai essayé de me faire à bouffer et quand c'est des trucs un peu justement chouettes, quand c'est raté, je trouve que c'est une déception qui me brise le cœur. Ouais, tu t'en veux, tu dis j'ai passé une heure et demie, j'étais et c'est investi, pas bon. Ouais. Parce que juste j'ai mais pas fait bien des recettes d'une demi-heure, mon rêve sur Marmiton, il y a écrit 25 minutes, 30 minutes, ouais. Commence doucement peut-être. Peut-être. Et aussi c'est parce que je pense que tu te concentres trop sur l'arrivée et pas assez sur le chemin, tu vois. Parce que non, même si tu rates, tu peux dire bah, au moins j'ai passé du temps. Mais par contre vraiment genre j'ai du mal avec le fait les gens qui ratent alors que t'as une recette à suivre, comment tu fais? Non attends, c'est possible. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ça ouais. Tu trouves? T'as un truc avec les étapes à faire et les dosages. Oui, mais tu peux rater. J'entends ce que tu dis, mais par exemple, tu as déjà monté des meubles Ikea? Oui. Est-ce que des fois les meubles Ikea, tu te dis ah putain, là la vis quand même, j'ai un peu abîmé le truc, j'ai serré un peu fort et tu... Après Ikea, c'est de la merde aussi. Et ben, des fois la bouffe, c'est de la merde, tu trouves pas que c'est un peu pareil où tu te dis j'ai suivi la recette mais à l'arrivée, j'ai un peu foiré le truc. Non, c'est vrai. Tu vois, des fois c'est juste vrai que ça peut arriver de cramer, ça y peut y a pas vraiment de règles, tu vois. Dosage de sel, ouais, mais ouais, ça Non, ouais. Même le thermostat, le four, il y a tu vois, il y a trop de paramètres. C'est vrai. Ouais, mais je suis un débile hein, chien, on se connaît pas, je suis profondément stupide. En bouffe, oui. Ah ouais, on peut dire. C'est une cata. En bouffe, on peut dire. Ouais. Parce qu'à part si t'oublies vraiment le truc, parce que tu fais autre chose, tu l'oublies dans le four, ou si vraiment, bah, tu sais, la cuillère, elle. Non, mais il y a des gens qui ont eu un truc pour la cuillère. Ouais, c'est vrai. Tu fais la recette, je fais la recette, moi je vais avoir peut-être la main, toi tu vas pas l'avoir ou inversement. Ouais, mais c'est comme il dit, c'est parce que t'es pas focus sur ce que t'es en train de faire. Ça dépend. Tu sais, couper en fines tranches, par exemple. Moi je sais pas, couper en fines tranches, bien éplucher les légumes. J'ai une mandoline. T'es pas patient. Je suis peut-être pas patient. Tu bacs les choses, évidemment qu'il y a des chances. Ah voilà, faut pas s'étonner. Excusez-moi, je suis en pleine introspection. Oui. J'ai l'impression. On n'est pas qu'on ait marché sur les quais. le cœur des hommes et des femmes. On a retrouvé dans le nez d'un gars quelque chose. C'est un faux état. Un homme de 32 ans. Il en a retrouvé dans son nez quelque chose qu'il a eu pendant 20 ans dans son nez. Il ne savait pas qu'il avait ça dans son nez. À votre avis, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Une limace? Mon esprit est allé directement sur une limace. Une bille. Pas quelque une chose bille. Qui était coincé dans le nez. Qu'il avait coincé dans son nez. Un boulequette. Pas une boulequette. Un AirPod. C'est vraiment trompé. Il a vraiment confondu deux trucs. C'est vraiment fou. Pas un AirPod. Un coton. Ouais, non. Et un truc du coup. Alors qui est-ce que pas... c'est rond? Est-ce Vas-y. Que c'est allongé? Est-ce que c'est un petit peu allongé, mais c'est suffisamment petit pour que bah oui, ça dépassait pas de son nez quoi. Un cure-dent. Pas un cure-dent. Ça m'a fait mal de ouf. Ah ouais. Ah d'imaginer le cure-dent dans le nez là. Est-ce que c'est organique? C'est-à-dire, pardon, ça c'est genre végétal ou non, naturel, c'est, on va dire. C'est un vrai quoi. Objet. Non, c'est un objet. C'est un objet, donc c'est une en bille. Plastique. Pas une bille. En plastique. C'est en plastique. Ok. C'est un test PCR. Pas un test PCR. Genre il l'a mis, il l'a laissé. Il l'a eu pendant 20 ans. Oh waouh. Eh oui. Attends, et il avait quel âge? Là aujourd'hui, il a 32 ans. Donc, ouais, quand il était gamin, il s'est. Ah, ok. Très bonne analyse. Ah, une tête de Lego. Alors, c'est pas une tête de Lego, c'est un Lego. Non, mais d'où t'as un Lego dans le nez ? En fait, j'ai envie de mourir là. Non, mais, attends, c'est énorme un Lego. Non, une pièce, une brique de Lego. C'est un petit Lego. Ah, pas le Faucon Millenium. En fait, moi j'avais un personnage. Il avait le Titanic, frère. Non, mais... Après avoir passé plus de 20 ans à avoir des problèmes respiratoires, un habitant de l'Arizona a enfin repris son souffle. Le responsable de ces désagréments n'était autre. Mais oui, c'est pas moi. Hein, là, Sartek, les parents en tout cas, qui ont vraiment rien eu pendant 20 ans. Ouais. C'était une pièce de Lego ronde que l'homme avait enfoncée dans son nez lorsqu'il avait 6 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, s'amuse Ben Havoc auprès du média local. Les jeunes des années 90 ne faisaient que de la merde. La pièce de plastique le gênait pour respirer. Ben décide de mener une mission de sauvetage en plongée profonde pour récupérer l'obstacle. Il enfonce donc une tête de bonhomme Lego afin d'essayer de clipser les deux pièces. Donc c'était une tête de bonhomme Lego. Non, il y avait une pièce dedans. Il a essayé de le choper avec l'autre pièce. Avec une tête. Ah, donc il savait que ça faisait longtemps qu'il en avait une. Et après, il a oublié en vieillissant, tu vois. Vraiment une tête de linotte, si je peux me permettre, ce mec d'oublier ça, c'est quoi. Mais non, parce que du coup, sa mère arrive, elle enlève le Lego qu'il a clipsé. En se disant, c'est bon, je lui ai sorti le Lego. Attends, Il avait mis un Lego. Il a essayé de clipser. Il a repris un autre Lego pour le clipser, l'enlever. Ouais, bon. Sa mère, elle dit, bon, c'est un débile, j'enlève le Lego. Mais en fait, elle savait pas qu'il y en avait un autre plus profond. Wow. Eh ouais, mon pote. Donc, ça fait. Évidemment qu'il. Ça devait siffler quand il respirait et tout. L'été. Heureusement que ça n'a pas bougé, que c'est pas allé ailleurs. Bah, c'est ça. Ah oui, c'est ça, imagine. Elle a belle affaire. Et un jour, il est pris d'un éternuement salvateur et le truc est sorti. Je me sens bien. 20 ans après. Personne qui l'a aidé, c'est vraiment. Alors le médecin lui a dit, faut se moucher sous la douche pour soulager un peu la tension. Voilà, c'est ce qu'il lui a dit, une douche chaude et vous mouchez. Enfin, vous faites des exercices. Ah oui, parce souffler. Que la chaleur ça dilate. Exactement. Comme quand et tu sais, Popper aussi. Bob effectivement. Dilate. Et Bob dilate pour continuer. C'est incroyable. Bob dilate. Bob dilate, je l'écoute moi. Ah ouais, coup de chance. Un énorme coup de chance. Et il dit, je peux maintenant expirer par ce côté de mon nez, c'est fantastique. C'est vrai que c'est top, hein. On se rend pas compte de la chance. Ça a l'air génial de respirer. C'était quoi vos jouets quand vous étiez petite? Et petit, évidemment. Bien c'était sûr. Quoi vous aviez toi, quoi, en Algérie, comme... c'était des petits bouts de bois. Non, j'avais des Barbies de ouf. Bim, les clichés. J'avais des Barbies qu'on me ramenait d'Autriche et tout. Et puis j'aimais bien les billes aussi. Oui, parce que d'Autriche, parce que tu as. Tu... Parce que, ouais. Voilà. Qu'elle est autrichienne. Ouais. Également. Donc j'avais des Barbies, ouais. J'avais une putain de maison de Barbies et tout. Et tout. Ah, voilà. T'avais la maison. Et toi, t'avais quoi? Moi j'étais un peu fou de garçon hanquier, j'avais des Power Rangers. Trop bien. J'avais une Barbie, mais juste elle était là pour faire genre. Ouais. Bah la potiche quoi. Bah ouais, attends, elle n'a pas de super pouvoir. Moi j'avais demandé une Barbie à mes parents parce que j'avais des Action Man. Et fais pas le woke, fais pas le woke. Non, justement, pas du tout. Okay, et c'était que des mecs. Ils disaient, bah faut une gonzesse là quand même, c'est que des mecs. Ah, tu voulais juste qu'ils ken quoi. Ouais, voilà, c'est ça, pour pouvoir baiser une Barbie. Et oui, mes parents n'ont pas voulu que j'aie de Barbie. Ah ouais. Ah donc pas woke du tout. Ah mes parents n'étaient pas woke. Aïe aïe aïe. Non. Mais toi, maintenant tu peux t'acheter tous les jouets que tu veux et tu peux te racheter une Barbie. Tu veux qu'on t'achète une Barbie avec Chérie? Non c'est cool, mais j'ai une fille et je suis trop content quand elle sera grande, je vais pouvoir lui acheter des Barbies, des trucs comme ça. Bon pour le moment j'achète juste des jouets que j'aurai moi. Action Man. Oui et voilà des c'est Action ça. Man, évidemment. Avengers. Moi c'était G.I. Joe à fond. Oh, ah ouais. Et tu sais que t'es un petit air de G.I. Joe. Bien sûr. C'est le côté propre dont tu parlais. C'est ça. La peau très lisse, un peu brillante à cause de la crème hydratante et puis pas de cheveux. Justement elle est hyper nette. Non elle est bien ta crème. Je peux toucher ton visage? Non. Tu mets un petit coup de collé. Tu mets un petit coup de gel hydro justement. Voilà, la fumée clope, c'est pas laver les mains. Aïe. J'ai pas du tout fumé une clope. Menteuse. Non, mais tu reclopes là, ça y est, ça clope. Bon, je sais jamais arrêté. T'as jamais arrêté? J'ai des périodes. Là, comme je vais pas bien en ce moment, j'ai l'impression que j'avais un problème au poumon, j'ai arrêté 4 jours. Okay. J'ai vu que j'avais rien, j'ai repris. D'accord. Oui, c'est vrai que t'es pleine de contradictions. Oui, hypochondriaque, mais bien sûr. Plein, mais toi, c'est fou. Moi, vraiment, je ne me comprends pas. Miskina saison 2, on pourra voir tout 2. Ça. Wow, bien sûr. Bien, je fais un big up à Johan Grombe qui nous écoute. C'est qui? Yo-Yo l'escargot. Je rigole. Pourquoi? Pourquoi bah parce que tu sais, son petit surnom, Yo-Yo l'escargot. Non, Adrien invente des petits surnoms qui sont pas forcément liés à la personne, non, mais juste ça sonne mais bien. Mais ça reste. Ça reste. Et là, non, mais parce que j'écris Feuilleman avec lui en ce moment, et c'est un des auteurs de Miskina. Bien sûr. Johan Grombe qu'on embrasse très fort. Très fort. C'est mon petit Jewish Bachelor. C'est mon prêtre. Donc oui, Power Rangers. Avec le Power Rangers qui change de tête. Bien sûr. Bah, avant que Ramsey soit connu, non. Et dès que Ramsey était connu, j'avais tous les trucs. J'avais les acteurs des Power Rangers qui venaient chez avant toi. Avant j'avais juste ça. Un poster. Un poster. Un poster. Un poster. Un poster. Tu n'es pas un poster. Ouais, ouais. Squeezie. Ouais, bien sûr. Qui est un poster? G.I. Joe, Adrien. Ouais, à fond. Sublime. G.I. Joe, c'était. Je me faisais des histoires avec et tout. Incroyable. Mais vous vous rendez pas compte qu'à l'époque, on avait plus d'imagination quand même. Je sais pas. On crée des choses. Moi, je vois mes histoires, mes nièces. c'est situation tout. Et tout. Tu sais, ils sont pas fun, ils allument la play quoi. Ah ouais ? Oh, je sais pas. Moi j'avais quand même déjà les jeux juste à côté. Il y a mon neveu qui est là, il n'a pas d'école parce que il s'est pas réveillé pour s'inscrire. Ah. Donc là il se tape un an sans école. Je vous jure que c'est pas une vanne. Donc cette génération est catastrophique. Oui, bon, dans ce cas-là, il a dit faux. Oui et non. Mais non, mais... À Toulouse, un dispositif vient d'obtenir un record de vitesse avec une durée de 8 secondes, faisant de lui le plus rapide de France. Franchement, de quel... j'ai pas compris la question. Ouais, d'accord, ouais. Il y a eu un mot au début, dispositif. Dispositif. D'accord, ouais, ouais. Oui, c'était loin du vrai mot. Non, pardon. Un dispositif vient d'obtenir un record de vitesse. C'est quoi un dispositif? Justement, c'est ce qu'il faut. C'est quoi, c'est un véhicule quoi? C'est pas un véhicule. Attends. C'est le tram. Pas attends, le tram. Un record de vitesse. Vas-y. Ouais, ça dure que 8 secondes, faisant de lui le plus rapide de France. Ah, ok, d'accord. De quoi je parle? C'est un appareil quoi. Un appareil. Ok. Bah, dis appareil, frère. Honnêtement, dispositif, j'ai pas utilisé le mot le plus compliqué de la langue française. Oui, mais si, quand même. En fait, j'ai l'impression que les questions sont beaucoup trop vagues. Pardon, mais c'est parce que comme ça, vous pouvez poser des questions. Sinon, c'est très court. J'ai envie de faire pipi, mais je sais pas si j'y vais maintenant ou après. Ma chérie, n'y est allée pendant. Tu peux y aller pendant. Allez, y a aucun problème. Un petit pissou. Allez, c'est parti. Et t'inquiète, on parlera pas de toi pendant que tu fais pipi. Ah bah si, vous l'avez fait avec moi. Pas du tout, ma chérie. Non, on fera pas. On fera pas. Une salopette. Comment, Mera? Pourquoi t'achètes pas la litière chère de TikTok là qui se régénère? Non, bah j'adore ramasser la merde, moi. Allez. Merci. Ouais. Le pire souvenir de Miskina saison 2, Shine, vraiment. Pas enfin, tous les jours où il y a Malha, c'est très compliqué pour travailler, vraiment. C'est un peu un enfer quoi. Elle te lâche pas, enfin. Ouais, ouais. Bref. Elle te fait faire des tests PCR tous les jours, ouais. Bien sûr. Puis elle est, enfin, elle est un peu désagréable en vrai. Elle est mais cool. Mais les gens s'en rendent compte. Voilà. Non, mais elle est cool en interview, mais après, dans le cadre du travail, elle est pas dingue, tu vois. Je suis sûre que ma chaîne, non, elle a pas mordu, mais c'est son chien qui a attaqué le mien pour la peine. C'est vraiment vrai. Ah, c'est vrai qu'elle a un clébard en plus. C'est vraiment vrai. Et il est gigantesque. Merde. Je suis partie deux secondes. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle a eu une petite. En fait, la mienne a voulu. Bah bien sûr, tu ne mets jamais une friandise quand il y a deux chiens dans la même pièce, jamais de la vie. Tu sais ça. Ouais. Et en fait, elle a donné une friandise à son chien. Et je pense que la mienne a voulu s'en approcher. Allez, donc, et heureusement, je n'étais pas là. Et on m'a juste raconté. Genre, je suis arrivée, elle était en mode. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois qu'il l'a chopée par. Si j'ai bien compris, Elle est toute petite, hein. Il l'a chopée par. La nuque. Bah, je sais pas La peau, je là, sais pas la vraie version. Ouais, je sais pas. Elle m'a dit, genre, c'était le harnais. Il n'y avait pas de blessure, tu vois. Oui, voilà. En fait, tu sais, il a juste truqué la tête et il a secoué de fou. Oh, là, là. Et puis, en fait, on était à deux doigts de. Bah, ça y est, quoi. Il aurait arraché la gueule, quoi. Ah ouais. Oui, donc c'est le. Et je suis arrivée, donc c'était vraiment en mode panique. C'est là, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, mon chien a failli bouffer ton chien. À cause d'une friandise, la magare. Et vraiment, il faut voir son. Ça, il est adorable, il est trop. C'est quoi comme race de chien? Il a des vrais yeux de miskine. C'est un pit. Un staff, un pit. Un pit staff. Ah ouais, d'accord. Allez, carrément. Mais il est gigantesque, c'est la version grande de tout. C'est vrai qu'ils ont des beaux yeux, ces chiens, par contre. Mais par contre, il a des vrais yeux de miskine, genre il a vraiment des yeux comme ça tout le temps, un peu. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais il a une force qui ne mesure pas de. Enfin, sa mâchoire, tu la sens, quoi. Enfin, tu la vois, tu l'as joué avec lui. Il a voulu récupérer le jouet de ma truc et. Enfin, tu sais. Tu sens qu'il t'arrache. Waouh. J'ai raconté quand j'ai failli perdre. Mais en plus, je suis sûre que tu m'as menti dans le sens où je suis sûre que tu as voulu me rassurer. En donnant une version beaucoup plus soft que la réalité. On était ensemble et j'avais le caca de ta chienne dans ma main. Comment t'as oublié ce détail? Parce que c'était hors micro, il y avait du sang et de la merde. Moi j'étais paniqué. Vraiment, les hémorroïdes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, j'ai sauvé sa chienne. Oui, c'est ça. Oui, mais ce que j'ai expliqué, c'est qu'à la base, tu ne donnes pas une friandise quand il y a deux chiens. Mais je savais pas, je voulais leur faire plaisir. Moi, tu sais, je suis maman gâteau, maman. Non, mais en plus. Non, mais tu lui as donné qu'à lui. Non, t'es malade. Moi de gauche, mais t'es folle. J'ai donné à ta chienne mais et à mon coup, chien. T'es folle. Est-ce qu'il l'a vraiment chopé que par le harnais? Ah oui, non, vraiment pas. Bah, il serait plus de ce monde, non, c'est ton vrai, chien, par mais contre. Du coup, je me dis. Et en fait, je l'ai tiré du harnais. Donc, il voulait pas vraiment lui faire du mal, je pense. Oui, oui, il voulait protéger mais son. Mais il voulait Oui, il voulait protéger sa friandise. Ouais, bien sûr. Affirmer son autorité. Ouais, Adrien m'a mordu la semaine dernière pour un Kinder. Ça t'a bien calmé. Ah bah, depuis, j'avais plus refait. Non, franchement, quand j'ai vu la tête de Malha, je me suis dit oui, oui, oui, oui. Et puis surtout, j'ai récupéré le chien tant bien que mal. Et tellement elle a eu peur, la pauvre. Elle m'a chié dans la main. Ma boulette. Et alors, c'est une sensation. On est d'accord. Bah, elle a eu très très peur. Franchement, je vais vous dire un truc, c'était pas désagréable la sensation. De se faire chier dans la main? Bah c'est chaud quoi, oui. Ouais. C'est chaud tout doux. Tout doux. C'est comme les cacas de bébé aussi. Pourquoi personne veut me taper dans la main autour de cette table? Bah parce qu'il y a eu de la merde. Ouais, mais tu pars parce que c'est high five. Je me suis lavé les mains. Alors ce dispositif. Bien sûr. Eh ben évidemment. Alors est-ce que c'est un dispositif qui est accessible publiquement, genre? Ouais, tout le monde. Pas tout le monde. tous les gens qui font une certaine activité. Ah, les vélos. Alors tu t'approches, on est sur la route. Trottinette. Ah, péage. C'est pas, bah, alors, pas péage. C'est plus interdit. C'est pas un véhicule, c'est vraiment un dispositif, mais c'est lié. Ah, mais c'est un radar. On s'approche, c'est pas un radar. Bah, c'est un radin. Oh, il est. Elle est con, elle est con, hein. Regardez là, regardez là. Non, mais on est sur un truc de la route. On est sur un dispositif. Attends, un de la péage. Route. Je vous dis que c'est le plus court. Il dure que 8 un secondes. Un feu. Très bonne non, réponse. Elle est de fou. C'est le feu oh, vert wow. le plus court du monde. Oh, 8 secondes. 8 secondes. T'as une voiture qui passe. Il est où exactement? Il est à Toulouse. Horrible. Eh oui. Il exaspère des milliers d'automobilistes chaque jour en quelques secondes. T'as toujours pas le permis, toi? Si. Ah, quoi? J'ai une voiture. Quoi? Mais je sais pas faire les créneaux. Oui, oui, mais attends. Attendez. Oui, mais ça, c'est normal. Hier, je suis arrivé, on a été à la prod et je savais pas me garer. Attends, tu sais pas faire des créneaux avec les nouvelles voitures où il y a des caméras partout, Mela? Frère, j'ai acheté mon permis. Ah oui, d'accord. Okay, allez. C'est bon? Je peux pas être plus honnête. Ah non, mais tu. Je t'ai pas de carte vitale, j'ai acheté mon permis. Mais c'est ça, écoute, moi je rigole, c'est une vanne, évidemment. Évidemment pas attends, c'est pas comme ça. Tu payes ton. Attends, t'as voulu dire que tu payes, c'est non, normal. Qui ne paye pas son permis payer, tu dois payer ton permis. Qui ne l'a pas payé ici? Évidemment, t'as me fait. Me jette la première pierre. Évidemment, bah, me jette le premier point. Personne ne te jettera de point. Est-ce que c'est tes médecins qui t'ont passé le permis ou c'est. Non, ça c'est. C'est sur le groupe WhatsApp avec les moniteurs d'auto-école. J'ai un autre groupe WhatsApp avec monsieur. Mais je peux vous inviter. Non. Non, j'ai le permis. J'ai une voiture. Je dis si t'as besoin. Allez au garage, t'as besoin, tu prends le week-end. Voilà, ça adore, ça. Mais c'est adorable. Mais les gars, si vous avez besoin du chien, je pense. Mais là, voilà. Je pense très généreux. Oui, on se connaît très peu, mais je sens une générosité. Tellement trop. Ça, non, mais ça me coûte quoi? Elle est désagréable sur le tournage, mais elle est très généreuse. Ouais, en plus, tu dis ça alors qu'elle a vraiment dit qu'elle avait éclaté un van, donc ça, bravo. Ouais. Elle... Il y a une confiance. Ah ouais. Moi, je m'en fous. Récemment, j'ai loué une voiture aussi, et en fait, c'est un truc électrique. J'ai pas vu qu'il y avait des blocs de béton de merde devant. Et c'est un truc que j'avais loué, comme j'ai dit. Et donc je fais le créneau. Et là j'entends le pire. Et après j'entends. Ah, le pneu. Je sors. En fait, le pneu il s'est pété. Et les bâtards là, ils m'ont pris toute ma caution 800 balles. Et j'espère. Bah oui, 800 balles. Ah, c'est très cher. Pour changer une jante ou une enfin. Ouais, mais c'est le prix. Du coup. Bah, c'est le prix. Ouais, mais en plus, c'est une application. Donc tu peux pas aller. Tu peux pas. Y a rien y a pour aller. Où... Bah, ah, t'as vu, c'est horrible. Ça, je vieillis ça. Get around. Ah non, c'est pas ça que je. Si t'as besoin à l'avenir. C'est virtuo. Prends ma voiture parce que les week-ends, par exemple, Alison, elle la prend avant week-end. Je la prête à tout le monde. Incroyable. Mais là, je suis en train de voir pour m'en acheter une. C'est une automatique ou pas? Ouais, automatique. Bien sûr. De marque allemande. Cool. Ouais, ouais. Comme ça vous allez voir que c'est à l'aise. Une Audi, wesh. Elle a demandé aux antennes. On peut dire Audi. Non, parce que ça m'inquiète. Je me sens responsable d'un truc où je sais que je vais. Ma sœur m'a prêté une fois un truc. J'ai. Mais moi je m'en fous si tu la défonces. Si elle a l'assurance, on s'en fout. Est-ce que des fois t'es conduit une voiture et tu l'as pas abîmée? Parce que je conduis quand même beaucoup. Oui, par contre, il y a un problème, je crois. Cela dit, les bad caisses. Non, mais là j'ai raconté que les trucs. Oui, bien sûr. Les bad caisses. Je ne vois pas l'utilité à part faire payer les gens des trucs chez le garagiste. Les quoi? Les bas de caisse, bah, c'est les trucs que tu frottes. Tu vois, enfin ça, je ne vois pas à quoi. S'il y a des garagistes qui nous écoutent, à quoi servent les bas de caisse? En plastique là? Ouais. Bah si, c'est parce que si c'était du métal, ça coûterait très cher de le changer. Alors que c'est du plastoc de merde. Ah, tu crois que c'est pour protéger? Ah oui, ça doit être ça. Bah c'est un pare-choc quoi. Oui, c'est ça. Ouais, bah, voilà, ça, le... bah, voilà. Pour parler choses. Et du coup, tu l'utilises pour faire quoi, par exemple? Bah, je me fais des petits kiffs le week-end, genre. C'est pas vrai. Je vais faire, mais je la prends pas. Des go fast. Je vais à Bondy, je reviens. Bon. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Ou ça, vous regardez pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. On peut arrondir les fins. Moi, tu sais, Amazon c'est bien, mais les impôts c'est pire. C'est le slogan d'Amazon d'ailleurs. Trouvez-moi le RIP de Blanche Gardin, je vous en supplie. Je veux lui faire ce virement. Et donc, oui, selon Actu Toulouse, ce feu vert qui dure 8 secondes en plus. Ouais, Actu Toulouse. Et le feu rouge dure 1 minute 10. Donc, vraiment, les gens sont très énervés. Ah ouais, mais c'est très bien. Bien sûr. Mais en plus, c'est... ça crée des bouchons du coup. Bah, j'imagine. Après, souvent, si c'est ça. Dans une petite rue de ouais, voilà, c'est ça. Mais dans ce cas-là, tu mets un stop. Voilà, oui. C'était le passage. Voilà, tu fais pas chier, ouais. Fais pas chier les gens. Ouais. Comme ça. J'ai une dernière question. Bah oui, s'il te plaît. Et après, ouais, et après on passera aux recommandations culturelles. J'ai oublié de vous dire, il faut recommander culturellement un petit truc que vous avez aimé récemment. J'ai un truc de ouf là. Super film. En fait, c'est pas forcément un truc récent. J'ai reçu la clinique Turin, franchement. C'est pas forcément un truc récent, hein. C'est un truc que t'as kiffé récemment, à qui tu as envoyé de la force ou pas, enfin voilà, peu importe. Okay. Mais avant ça, j'ai une question. À votre avis, quel groupe des années 90 prépare son comeback et travaille sur un nouvel album? Worlds Apart. Oh là, non, mais très bonne réponse. C'est vrai. Oh, oh, la vache. Incroyable. Five, là, c'est... J'étais amoureuse. Wow, ah ouais, fort. Bah ouais, frère. Fan des Worlds Apart. Fan non, amoureuse. Vas-y, ah oui, chante. Vraiment, chante une chanson des Worlds Apart. Je te demande Melhad. En plus, malheureusement, une fois que t'as celle-là, en plus c'est une reprise, bon. Ouais. Chante-moi. Non, non, il y en avait une autre. Attends. Attends, l'autre. Alors l'autre des Worlds Apart, ça m'intéresse, parce que moi, à part Je te donne. Si, ils ont un truc à eux. Ils ont rien écrit. Si. Tu vois, ah, je si, pas bah, non si, plus, si, mais si, si, bah, si, je l'ai googlisé, mais quand je la vois. C'est quoi? Attends. Donne-en, on peut trouver, on peut trouver. Celle-là. Baby Come Back. Ouais, ouais, voilà. Oui, mais c'est vrai. Baby Come Back. Won't you please. C'est une drôle, ça? Mais oui. Vous croyez? Attendez, je vérifie tout de suite. Tu confonds avec Baby Got Back. Non. Non, on peut dire des approximations sur la médecine et changer le sang, mais ça, je veux la vraie réponse. Wow, est-ce que Baby Come Back? Je suis pas non, sûr. Visiblement, non, c'est non, original. Non. Hein. Tu confonds avec. Oui, il y avait un truc. Avec Alliage qui chantait Le Temps qui court. Oh là là, ah oui, c'est Le Temps ça, qui court. Ça, c'était une reprise. Mais celle-là était exceptionnelle, en revanche. Ouais. Celle-là, je l'adorais. C'était une reprise de reprise même. Bien sûr. Le c'était mec quel d'Alliage. Temps qui courait comment? C'était quel temps qui courait? L'imparfait. Oh, wow. Aujourd'hui, demain. Alors là, vous savez quoi ça en France? Aux côtés d'autres vedettes des années 90, le boys band anglais a donné une interview aux Parisiens dans laquelle ses membres ont annoncé une grande nouvelle pour leurs fans d'antan. Les trois amis aujourd'hui âgés d'une cinquantaine d'années. Et ils sont trois aussi les fans, je pense. D'ailleurs, je pense. Oh non, mon pauvre ami! Oh mon pauvre ami! Toi, t'as jamais vu Jérôme Anthony sur W9? Là, il y a eu. J'ai encore raté. Là, il y a eu un festival. Il y avait Chéri Fan. Il y avait Leslie. Et ça, je ne veux plus jamais le rater. Et ça, on vieillit. Ça, c'est notre âge d'eau. Ouais. C'est notre âge tendre et tête de bois. L'année prochaine, il faut qu'on y aille. Viens, je ne sais plus comment ça s'appelait. En voiture, en Audi. On prend l'Audi, allez. C'est moi, je mets le coco. Non, c'est peut-être le festival I Got a Feeling dont tu parles, Shane, parce qu'il y avait Alizé, Billy Crawford, Priscilla, et donc les Worlds Apart. C'est dingue, hystérique. Dans les colonnes du Parisien nous racontent les membres d'Alliage. On vivait notre Beatlemania à l'époque. Non mais attends, moi je veux celle où il y avait Kélia. Kélia, c'est qui? J'avais pas Kélia. Kélia, c'est pas ça que je veux vivre le grand tour d'amour. Non, Kélia, la passion. Ça. Si, c'est Kélia. Ah, oui, Kélia. La passion des premiers jours. J'ai pas ça. Elle était dans la bio de Taxi 3. Belly Dance. Non. Ouais, ça te dit rien? J'étais déjà dans la vie active, je pense. Moi, j'ai oui, pas le même âge. Ouais, t'es un petit peu plus vieux. Ça t'a dit rien? Tu veux qu'on chante des Charles Trenet? On se chante. J'ai pas bien. Douce France, par exemple. Je sais pas. Le Aznav, comme tu l'appelles. Le Aznav. Ah, Charlot. Non, mais donc vous, ça vous intéresse de revoir? Vous avez pas ce risque qu'il y a des gens qui aiment bien laisser justement ce côté nostalgique dans le passé en disant oui, c'était cool. Vous pourriez aller voir les mêmes à 50 ans. Complètement, c'est génial. Oui, voilà, c'est en plus, ça. Moi j'étais en Algérie à l'époque, il n'y avait pas de concert. Alors là, j'ai. Ça va, c'est pour ça vraiment. Non, j'ai raté aussi d'autres gens là, je sais plus c'était qui. Moi j'avais été au concert de Star 80. Ah ouais? Et c'était pas vraiment ma génération. C'était ma génération. Ouais, mais j'ai pris du plaisir. Ah ouais, quand même. C'était les chansons de Madarone quoi. Ah bah oui. Elles en ont refait un à 5 en plus. Ouais, c'est pour ça. Joue pas comme ça. Ça c'est François Feldman. J'ai allé voir l'une des Starac qui avait fait plein de reprises sur scène et tout, c'était trop cool. Paris Latino récente ou je crois que c'était pas. Je sais pas si c'était la Paris Latino. Elodie Frégé, c'est Paris Latino? Ouais, oui, je crois. Je crois que c'est la période d'Elodie Frégé, je crois. C'est avec celui qui avait beaucoup de gel. Jérémy Chatelain? Oh, non, ouais, moi, je sais. Jérémy Chatelain, beaucoup de gel. Qui est devenu une resta de l'électro. Genre, il fait des prods de ouf. Mais c'est Patchy aussi. Patchy, vous savez ce qu'il a écrit? Attendez, je vais vous trouver Patchy. Il a écrit. Patchy, il a écrit une chanson très connue. Patxi, ouais. Patxi. Attendez, bougez pas. C'est le sud-ouest. Il a écrit jour 1 de Louane. C'est le jour 1. Bah ouais. Bah, c'est un hit. C'est un hit. Oui, mais toi, évidemment, c'est archi cool. Toi, dès qu'on sort de. Non, mais je veux dire, je suis pas, on n'est pas sur un fossé non plus. Ça se voit, t'écoutes quoi, toi? si t'avais bonne mémoire, tu saurais. Parce que j'avais vu que j'écoutais Rof et t'avais dit oh, il écoute Rof. Mais oui, je me rappelle, c'est. Et même, il l'appelait Rof 2F, alors c'était bien. C'était bien. Allez. Il était à la session écoute qui a tourné là sur TikTok. Ils ont fait un air high five. Ouais, qu'on a un peu raté même en plus. C'était nul. De toute façon, C'est sincère. On est un peu ridicule. Mais non, vous êtes top. Non, c'est top. Mais attends, on parlait d'un truc juste avant. On parlait des groupes, de les voir quand ils sont un peu plus. Tu vois, même des Snoop Dogg, des 50 Cent, vous avez pas ce truc de. C'est bien, mais ça dépend, ils peuvent te décevoir. Il y en a plein, Là, ils ont un peu vieilli, quoi. Bah, Snoop Dogg était au JO déjà. On a vu. Lui, bah, magique. Bah ouais, il prenait 250K par jour, je crois, c'est ça pour y aller. Ah ouais. Il a raison. Tu vois, ça, j'ai pas. Je me suis dit, il passe un bon moment. Ouais, il a un peu de natation. En même temps, tu dis, il est quand même là tous les jours, c'est bizarre. Il se déguisait en équitation, j'ai vu en tout. Mais en même temps, il a bien fait le job. Oui, et puis surtout. Nous, on le voit pas, mais il faisait une émission aux States. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, il faisait une émission. Il a été payé par les States. Les 250 000, ah oui. ça comprenait tout. Ça tellement comprenait cool. son salaire. Ça se voit que c'est un mec trop cool. Ouais, comme l'abbé Pierre. Mais moi, un peu. Pour moi. Non, l'abbé Pierre, j'aurais pu mettre ma main à. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est la fin de ce podcast. On va faire les recommandations culturelles. Ouais. Alors, s'il y a des trucs, évidemment. Un truc. Moi, j'aurais adoré qu'on parle de Miskina saison 2, mais j'ai pas vu encore. Là, c'est vraiment moins bien que la une. Non mais j'avais adoré la une, on l'avait dit avec Adrien. Et la bande annonce, est super. Il y a que des gens que j'adore dans cette série. Vous êtes gentils. Entre vous deux, évidemment. Il y a Hakim Jimili, il y a Xavier Lacaille, il y a Alison Wheeler qui vient. C'est pas la première. Alors vous aviez fait des petits trucs, mais c'est la première. Son court métrage et tout. On essaie de s'écrire des petits rôles à chaque fois. Mais là, c'est la première fois que vous jouez vraiment ensemble sur un gros truc. C'est un peu kiffant de mettre ses potes. Mais c'est trop bien. Enfin, je vous adore, mais vous avez été choisi par un casting et tout. T'inquiète, je sais. J'ai vu. Victor Belmondo, Oussama Kedam. Oussama Kedam, qui est un incroyable acteur. C'est le meilleur acteur de tous les gens que tu viens de citer. C'est-à-dire que dès que je le vois dans un truc, et ça des et fois. T'as envie de le voir plus. Mais oui, et c'est des fois du drame, c'est des fois de la comédie, c'est des fois. Dans Hippocrate, il est incroyable, dans Une année difficile, il est incroyable. Enfin, chaque fois qu'il est dans quelque chose. D'or et d'argent, de sang, là, du CO2. Alors ça, là. Moi, j'ai pas vu, moi, mais il paraît que c'est super. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. D'argent et de sang. D'argent et de sang. De rouille et d'os. Je suis magistrat, moi, Oh, Vincent Lannon. Et tu le fais à jeun. Ça, c'est bien. Donc, des petites recommandations culturelles. Ultra-Discuta saison 2. Adrien, je sais que t'as toujours une petite liste dans ta poche. Ouais, là j'ai que des gros trucs de geek même. Mais vas-y, je t'en supplie. Non, en gros cet été, je cherchais un nouveau jeu pour jouer avec mon neveu. On a joué à un jeu qui s'appelle Super Bunny Man. Et c'est très dur à décrire, je vais pas me lancer. Mais c'est vraiment, en gros, c'est un jeu collaboratif qui est très, sur le principe, très débile. Et il y a vraiment très peu. En fait, c'est des personnages. Je me lance. Tu rames si fort. Les deux seules choses que peuvent faire les personnages, c'est plier ou déplier les jambes. D'accord. Et agripper ou pas. C'est vraiment un truc qui est basé sur la physique. Et en gros, il faut collaborer. Donc t'attrapes. Mais c'est un peu idiot. Enfin, c'est. Mon ref, tu l'as si mal vendu. Mais ouais, coup, mais drôle, en vrai, c'est marrant, drôle, mais il faut y jouer, quoi. C'est un peu sur un équilibre, genre. C'est jeu où il y a. De quoi ? Mais où vas-tu ? Bon, écoute, ça va. Je t'en prie, il y a deux secondes. Il est magistrat. Je suis magistrat, moi. Où ça ? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, moi. Passe-moi ma fille. Je suis pas juge, moi, je suis magistrat. Voilà. Et donc, super. Donc, c'est un peu les contrôles, c'est un peu un équilibre, genre. L'équilibre parfait entre c'est un peu aléatoire et en même temps tu peux obtenir une certaine maîtrise. D'accord. Et tu joues à deux. À quel et moment on part sans heurter Adrien genre. Mais allez-y maintenant, allez-y. Comment ça s'appelle ? Ça peut te foutre. Tu vas y jouer peut-être. Non, tu sais quoi, je télécharge tout de suite. Mais c'est pas sur téléphone, c'est sur. Écoutez, putain. Ça s'appelle Super Bunny Man. Mais c'est sur quel pad que. Moi j'y ai joué sur PC et je crois que c'est que sur PC, mais je vais vérifier. Ah, mais je crois en plus t'es très PC, Melha, toi. Bah oui, j'ai une chaise de gamer. Et j'ai ma chaîne Twitch. Le truc le plus geek qu'elle a trouvé, c'est chaise de gamer. C'est vraiment chaise de mais gamer. Mais putain, on peut pas le mettre sur la Play. Mettez sur la Play. Non, pas sur la Play. Non, non. Bah, c'est un vrai. C'est pas un vrai jeu. Si, c'est un jeu vidéo. C'est... Eh oui, oui. Ouais, je l'ai pas précisé. Personne, non, je c'était un. J'arrivais pas à dire. Ne remets pas 10 balles. Non, c'est un jeu vidéo, c'est vraiment un jeu indé, très. Ça coûte rien, ça coûte 7 balles, un truc comme ça. Très bien. Sublime. C'est très marrant. Chirine, quelque chose que tu as apprécié récemment ? Ouf. Peut-être au cinéma, au théâtre. J'ai vu une série que j'ai trouvé trop trop bien. C'est Présumé innocent. Ok. Ouais, sur MyCanal avec Jack Gyllenhaal. D'accord. Ah, tu dis bien Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal. Je le trouve vachement bien. En plus, c'est un thriller, une intrigue sur un meurtre. D'accord, ça et j'allais te demander l'histoire. Et c'est lui, du coup, qui est... avocat, qui est procureur, qui est accusé du meurtre de la personne qui s'avère être sa maîtresse. D'accord. Et en fait, tu suis un peu tout le procès et c'est super bien foutu parce que mine de rien, il n'y a pas d'action plus que ça. Enfin, c'est vraiment en interne entre eux. Et c'est super bien foutu et t'as un petit plot twist à la fin assez sympathique. Ah bah ça, faut pas le dire normalement. Plot twist. T'as tout gâché en disant ça malheureusement. Bah non, parce qu'en fait, c'est vraiment le truc de la série, c'est que du coup, tu soupçonnes évidemment absolument tout le monde. Parce que tout le monde aurait une bonne raison. Est-ce que c'est un peu comme le jeu de société là, tu sais, le Cluedo ? Cluedo. Il doit y avoir. Bah, il doit y avoir. Le mystère de Pékin. C'était Chaoli le meurtrier, pour info. Et vraiment, cette série est trop, trop, trop bien foutue. Et lui, il est vraiment super dedans. On va regarder. C'est un super acteur. Présumé innocent, c'est une série Apple TV. Apple TV, voilà, j'ai dit. C'est sur mes canaux également, donc vous pouvez aller super bien. Aller checker ça. Melha. Moi, je conseille. La nuit se traîne. Ah, c'est mais alors, j'en ai parlé la semaine dernière. Eh bah, tu vas en reparler cette semaine. Eh bah, non, mais très bien. Et alors, attention. C'est un thriller d'action belge, mais franco-belge. Ok. Et franchement, c'est chambé parce qu'on dirait pas un film français. ça se regarde où ça ? C'est au cinéma, mais je pense qu'il faut attendre. Je sais pas si c'est encore au cinéma. Je suis encore dans quelques salles, hein, j'ai regardé. Je pense que le film se traîne quelque part. Oh là là, allez, retrouvez Melha pour d'autres critiques ciné. La masque et la plume. Et pour dire, Miskina. J'ai binge-watché meuf, alors que je m'étais dit vas-y je fais ça progressivement. Alors t'as lu les scripts et tout. Déjà ah ouais. J'ai joué dedans, mais en fait tu sais jamais ce qui s'est fait à côté. Ah oui, oui. Donc j'ai mes parties à moi, mais il y a tellement d'histoires parallèles. Et en fait je me suis dit je vais regarder un petit peu parce que j'ai quand même les interviews autant que je sache de quoi il s'agit. Et en fait j'ai passé la soirée, je les ai tous enchaînés tellement c'est j'ai kiffé. Ah ouais. Puis je lui ai envoyé un message. Bah, j'aurais kiffé avoir les liens. Moi, j'aurais aimé. Ah franchement c'est super bien. C'est très drôle. On va te les envoyer franchement. C'est très différent de la saison 1 et franchement bah ouais on parlait de Johan, Melha, Xavier. Franchement, vous avez fait un travail monstrueux d'écriture, je oui, trouve. Je pense notamment voilà, aussi à Paul Rottman. Voilà, je tiens à lancer des fleurs. À Paul Rottman, absolument. Anthony Marciano à la réal. Bien sûr, mais quand évidemment. J'ai dit les auteurs après. Bien sûr. Djokovic, Pogba, tout le monde. Et pour une fois qu'on cite les auteurs, je trouve que vous avez fait un toujours citer les auteurs. Formidable. Écoutez, voilà, vous avez réussi à renouveler tous nos persos, toute l'histoire et tout, et c'est trop bien. C'est un travail d'équipe. C'est un peu la petite série des Arabes qu'on n'attendait pas, et au final. C'est la seule. D'ailleurs, c'est une série moderne. C'est vrai. C'est une série moderne, tous ces Arabes. Car il y a des Arabes qui ne font pas des bêtises. C'est incroyable, ils ont des histoires d'amour en plus. Ça, c'est dingue quand même. Ils avaient un cœur. Je crois bien. Non, c'est vachement bien, Miskina. Ouais. C'est drôle, c'est tu émouvant. L'as pas vu, mais ouais. Non, la saison 1 en tout cas était comme ça. Elle était drôle et émouvante. J'imagine que c'est sur la même. La saison 2, on l'a fait sur le vraiment pour l'oseille, quoi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, mais ça, c'est assez clair. Hein. C'est dans le dossier. J'ai pas été payé plus d'ailleurs. Dommage. J'ai pas été payé plus, hein. Ah. Ils nous ont douillé avec leur truc là. Alors que la première était un énorme succès, c'est fou quand même. Ouais, ouais, ça marche pas comme ça malheureusement. Mais là, a pris beaucoup. Mais je sais, ça, je sais. C'est vrai que j'ai pris énormément. En même temps, elle est autrice, coréale. Ouais. Tu vois, elle s'est mis un petit peu des postes, tu vois. Oui, oui, des postes fantômes. Il faudra aller fouiller. Pénélope Fillon d'Amazon. On les connaît, les comédiens qui réalisent. J'aurais réalisé sur Anthony Martial. Bien sûr, évidemment, on sait bien. Et bah quant à moi, je vais vous conseiller également un film qui s'appelle Hitman de Richard Linklater, c'est sur MyCanal également, c'est avec Glenn Powell. Ouais. Et le pitch est vraiment cool, c'est Hitman HIT, enfin Hitman ouais, comme le jeu vidéo quoi. En série. Ouais, okay. Alors c'est Hit plus loin Man. Bien sûr. Et c'est l'histoire d'un mec qui se fait passer pour un c'est avec la police, il le fait pas pour son bon plaisir, il se fait passer pour un faux tueur à gages et en gros son métier c'est d'aller voir des gens qui veulent faire tuer. Genre après il coupe cave. Et en gros c'est un indique. Voilà. Ah c'est génial. Sauf qu'évidemment il va se retrouver dans une histoire où il va aller tuer les gens quand même. Non parce que le truc surtout le truc c'est que dans la vraie vie c'est un pauvre type un peu ringard et dès qu'il se fait passer pour un tueur à gages, c'est un mec trop cool. Il est exilé, il se déguise, okay. Il est en mode badass. Est-ce que ce serait pas son alias? C'est un peu son alias et donc du coup voilà il va partir dans un truc un peu. J'adore. La série Alias. Jennifer Garner. Ouais. Jennifer Garner. Bien sûr. Ah non, vraiment, c'était juste le mot que j'ai utilisé. Ouais. Ah ouais. Mais du coup, ça m'a ramené dans. Oui. Ma jeunesse. Mais bien, putain, je sais même plus c'était quoi. Ça rappelle de Buffy contre les vampires. Oui, bien sûr. Ouais. Et Dark Angel, vous vous souvenez ouais. Dark Angel. Ah, il est frais. C'était Jessica Alba. Non, c'est Jessica Alba. Angel, c'est le mec de Buffy. Sentinelle. Ah merde, bah, j'étais sur Angel. C'est la trilogie du samedi finalement. Oh là là. Et vous rappelez de le mec qui attendait loin? Bien sûr. De la Sentinelle, tu veux dire? Ah, tu veux dire le truc que je viens de dire? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Demain à la une. Parce qu'elle, elle entend pas de près. J'entends pas de près. C'est pas une, c'est vraiment pas une sentinelle. Bon, bah écoutez, chers amis, ça fait super plaisir de vous avoir reçus. Je rappelle, Miskina saison 2, Melha, que tu as, bien sûr, co-réalisé des histoires d'amour en pagaille, du rire, du. Voilà, là, je vous ai dit, je vous ai dit. Peur. Voilà, non, mais je vous ai dit tous les comédiens formidables qu'il y avait. Ça et beaucoup de surprises aussi. Mais déjà, la saison 1 se finissait quand même un peu sur un truc un peu. Un petit cliffhanger. Voilà, ouais. Et la saison 2 a l'air d'aller. Ardent d'un coup. Et de la saison 2 a l'air d'épouser complètement Cliffhanger. J'ai l'impression que c'est un peu le duel un petit peu de cette. Il voilà. Mais il y a un peu d'histoire de pognon. Non, on peut pas tout dire. Je peux pas vous dire plus que la bande annonce, j'ai vu que ça. Donc voilà, mais c'est en tout cas. Ils aiment bien attends, les liens parce que j'ai acheté ton film deux fois en VOD. Ah bon? Mais pourquoi? Menteuse. Parce la première fois, je me suis endormi, j'étais très fatigué. Aïe, aïe, aïe. Mais pas à cause de toi. Pas de galère. Mmh. Donc tu l'as et loué, tu l'as pas acheté. Non, je l'ai acheté après. Non. Ah ouais? Ah putain, bah merci. Et pas en SD. Hein. En ah HD. Oh là, ça donc, fait plaisir. C'est vrai que j'ai rajouté 1 euro. Ah bah, parce qu'en plus, il y a tellement de mise en scène. Non, mais vraiment, merci beaucoup. Tu te rappelles de ma scène? Tu l'as trouvée marrante ou j'ai pas? J'ai trouvé géniale. Elle était. C'était quand? Je pense, ouais. Je sens bien que tu l'as. T'as félicité que Flo, généralement les gens disent putain scène super à tout, on voit que t'as oublié que j'étais dans le film. T'étais complètement allez, dans le ciao. Film. T'étais complètement dans le film, je sais. Je sais. Je vais aller changer la litière. C'est moi qui l'ai. Bon bah merci beaucoup les meufs en tout cas. Merci et puis Adrien, merci beaucoup. Bah ouais, à bientôt, allez, bisous salut. Tout le monde, ciao, bye. Salut. Il s'agissait du Flo de Cast. Pardon.